Toto, vous toutes les d'accord. Oui, Toto, c'est un mari en or. Peut-être un peu de monde va dire, mais à plus moi les mauvais. Mais ses attitudes trop valides, il a pas besoin de trop causer. C'est dans les peu susceptibles, tension, les peurs énervent. Il veut pas, il dit rien, si son petit femme adorable. Toto, bonne de monicole. Comment ça t'y ose? Toto, ça tu m'as au cas où. Ça te les jalis. Toto, malgré mi vie à vivre, tu connais ce truc mi préfère. Toto, moi mi aime à toi. Tu connais. Toto, toi tu aimes à moi. Juré. Toto, oui jusqu'à la mort. Toi Varès, mon mari en or. Toi Varès, mon mari en or. Toi Varès, mon mari en or. Toi Varès. Mon chéri, l'amour, si tu aimes maman comme tu dis. Serre-moi dans ton bras, nous varons ensemble pour la vie. Nous varons à nous, même si la misère est dure. Nous va sur le bout pour le meilleur et le pire. Et mon chéri, l'amour, si tu aimes à moi comme tu dis. Serre-moi dans ton bras, nous varons ensemble pour la vie. Nous varons à nous, même si la misère est dure. Pas seul le foot pour le meilleur et le pire. Et comme nous les verrons, un beau plaisir pour guette à nous. La jalousie voisinage et dans les pavards. Et comme nous les verrons, un beau plaisir pour guette à nous. La jalousie voisinage et dans les pavards. Comme le soleil, oui, mon Dieu, faut donner à nous courage. La manche nous dérisse, c'est que notre radeur s'y saisit. Sortis-nous la peine, demain n'aura peut-être un peu. Faut relève la tête quand on t'y cause par derrière. Tant que le soleil y brille, mon Dieu, faut donner à nous courage. La manche nous dérisse, c'est que notre radeur s'y saisit. Sortis-nous la peine, demain n'aura peut-être un peu. Pour relève la tête quand on t'y cause pas de hier. Et comme nous les verrons, un beau plaisir pour guette à nous. La jalousie voisinasse est dans les paroles. Et comme nous les verrons, un beau plaisir pour guette à nous. La jalousie voisinasse. Les jalousies voisinages. Bon réveil avec nous sur la première. Bienvenue Isa. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Comment ça va ce matin? Bah, très très bien. Les yeux qui piquent un petit peu. Oui, c'est mercredi normal. Et c'est la rentrée pour tout le monde. Bah oui, et il est 5h sur la première. Le journal de la rédaction est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Réveil difficile ce matin pour 224 000 marmailles. Ils font leur rentrée ce mercredi. Une rentrée échelonnée, surtout sous haute sécurité. Une série de mesures a été annoncée. Précision dans ce journal. Nous irons également à Saint-André, dans les écoles maternelles et élémentaires de la Cressonnière. Là-bas, la rentrée est reportée. Pourquoi ? Réponse à suivre. L'actualité ce matin, ce sont aussi les prix à la consommation. Ils sont en hausse dans l'île, plus 1% en juillet, en cause l'augmentation des billets d'avion. Et puis après investissement et commerce, c'est le réseau Moréfilm qui fêtait le cinéma ces deux derniers jours. Là aussi, le succès a été au rendez-vous. On en parle à la fin de cette édition. Fini les grasses matinées, les soirées devant la télé ou l'ordinateur. Après 6 semaines de vacances, c'est la rentrée ce matin pour plus de 224 000 élèves. Certains vont retrouver les copains, d'autres vont changer d'établissement avec parfois quelques surprises. Cette rentrée 2016 a en effet été placée sous le signe de la sécurité. Objectif, prévenir tout risque d'attentat dans les écoles. Nadine Bachelot. Une année scolaire sous haute sécurité. Face à la menace terroriste, les pouvoirs publics ont décidé de maintenir les mesures de sécurité en vigueur depuis novembre 2015 et même de les compléter par de nouvelles actions. En plus des contrôles à l'entrée des établissements et l'identité des personnes étrangères, les écoles ont été préparées aux risques éventuels d'attentats. Velayudom Marimoutou, recteur de l'académie. Depuis Charlie, il y a plus de 230 personnes qui ont été tuées dans les attentats et ceci concerne bien sûr l'école. De la formation au premier secours aux élèves de troisième, ainsi que 3 exercices sécurité, dont un concerne l'intrusion attentat. Et un de ces exercices doit avoir lieu obligatoirement avant la Toussaint. C'est un référent sécurité, police ou gendarmerie, dans chaque établissement qui fera le relais pour toute alerte. Le recteur a également nommé un référent sûreté de l'académie, colonel Luc Offrette, commandant de la gendarmerie de La Réunion. Ce référent existe déjà. Il est qualifié en ce qu'on appelle prévention technique de la malveillance, c'est-à-dire en faire en sorte que les établissements scolaires puissent présenter le maximum de sécurité face à des intrusions. Tout cela fait partie d'un échange qu'il y a entre les chefs d'établissement et ce référent sûreté, chacun apportant à l'autre ses objectifs, et puis ses moyens, et puis les propositions que l'on peut faire en la matière. Le recteur de l'Académie de La Réunion a mis l'accent sur le suivi de la radicalisation, en formant le personnel sur la détection et la prévention des situations les plus sensibles. Velayudom Marimoutou qui reviendra tout à l'heure sur la sécurité autour des écoles. Le recteur est aujourd'hui l'invité de la matinale. Au menu également, le manque d'enseignants dénoncé par les syndicats et la réforme du collège, l'autre nouveauté de cette rentrée 2016. Rendez-vous à 7h15. 224 350, c'est donc le nombre d'élèves scolarisés pour cette rentrée, mais ils ne rentrent pas tous ce matin. D'abord parce que la rentrée est échelonnée, ensuite parce qu'il y a du retard dans certains établissements à cause de travaux de rénovation, notamment à Saint-Benoît par exemple, à l'école Denise Salahi. La rentrée est prévue vendredi, ce sera même lundi pour les écoles maternelles et élémentaires de la Cressonnière. Résultat, quelques jours de vacances supplémentaires pour 323 petits Saint-Andréens. Les précisions de Nadège quant à Lia Tegali, adjointe déléguée à l'éducation à Saint-André. L'école de la Cressonnière bénéficie d'une réhabilitation dans le cadre de l'ANRU. Donc cette réhabilitation a démarré avant les vacances. Donc s'est poursuivie le temps des vacances scolaires. Et compte tenu là, des dernières pluies, il y a eu des problèmes d'étanchéité, il y a eu des travaux. Et donc ça n'a pas pu être assuré par les équipes sur place. Donc nous ne pouvons pas assurer l'accueil comme il se doit à des élèves et surtout la sécurité des enfants. Donc nous préférons donc reporter cette rentrée à lundi prochain. Nadège Cantalia Tegali, adjointe déléguée à l'éducation et à la réussite administrative à Saint-André, interrogée par Johan Adamadorassi. Et après Saint-Benoît et Saint-André, dans l'Ouest, au lycée Jean Inglot du Port Évariste de Pargny à Saint-Paul, la rentrée est reportée à mardi pour les élèves, la veille pour les enseignants. Les enseignants, justement, ils sont 16 000 et ils ont fait leur pré-rentrée hier à l'école d'Amaz-le-Gros du Chaudron. Ils étaient une vingtaine à participer aux réunions pédagogiques. Titulaires, remplaçants et spécialisés, tous les professeurs ont pu discuter des projets, notamment les classes de mer ou encore l'éclipse solaire des enseignants et qui ont également échangé sur les nouvelles directives du ministère de l'Éducation nationale. Tout cela avec Thierry Lallemand, leur inspecteur. Le premier message, c'est de souhaiter à tout le monde une bonne rentrée, parce qu'enseigner, c'est aussi un plaisir, il ne faut pas non plus ne voir que les problèmes. Après, il y a effectivement un certain nombre de consignes à respecter. Les inspecteurs envoient dans les écoles ce qu'on appelle une note de rentrée, qui regroupe toutes les consignes de rentrée pour le bon fonctionnement des écoles. Pour cette rentrée, la particularité, ce sont les mesures de sécurité que nous devons prendre au regard de ce que notre ministre, ainsi que le ministre de l'Intérieur, ont envoyé aux écoles. Communiquer avec les parents, expliquer pourquoi nous prenons ces mesures. Par exemple, il y a des écoles où les portails ne fonctionnent pas très bien. N'importe quel individu peut entrer dans l'école. Voilà, il faut qu'on fasse remonter la liste des travaux pour que les parents sachent aussi que nos enfants sont en sécurité. Thierry Lallemand, inspecteur de l'éducation nationale, au micro Réunion Première d'Olivier de la Richaudie. La rentrée des classes qui risque d'être perturbée dans le sud pour les élèves du collège et du lycée Saint-Charles à Saint-Pierre. Une partie du personnel, éducation, technique, entretien est en grève, une première pour l'établissement. Les grévistes revendiquent de meilleures conditions de travail et une revalorisation salariale. 5h06 sur la première, la suite du journal Florent Marot. Et puisque l'on parle d'argent, l'INSEE publie ce matin l'indice des prix à la consommation pour le mois de juillet. Et les prix sont en hausse à La Réunion, plus 1%, en cause l'augmentation des tarifs aériens en haute saison. Antoine Garnier. Le prix moyen du billet d'avion, 26% plus cher en juillet à cause des vacances, influence largement l'indice général des prix. Car si l'on regarde l'évolution du coût de la vie dans les détails, on observe que plusieurs secteurs enregistrent une baisse. C'est le cas de la distribution de l'eau, moins 1,2%, des produits frais, moins 1,1%, et la baisse du tarif des légumes frais est encore plus significative avec moins 1,5% le mois dernier. Le prix des produits manufacturés est en revanche à la hausse, plus 2,1% pour les chaussures et les vêtements. Le coût de l'énergie a aussi augmenté en juillet, plus 5,4%. En matière de carburant, l'évolution la plus forte concerne le gazole, plus 3,2%, contre une inflation de 0,8% du sans-plomb. Tout secteur confondu, l'indice des prix a baissé de 0,1% dans l'île sur un an, alors que dans l'Hexagone, il a augmenté de 0,2%. Dans le reste de l'actualité, Augustin Valencourt a été libéré hier et placé sous contrôle judiciaire. Le gourou présumé de la secte Marie Porte du Ciel avait récolté plus de 3 millions d'euros grâce à son groupe de prière. Le tamponné est mis en examen pour abus de confiance et blanchiment d'argent. Il avait participé à l'agression d'un vendeur de poulet dimanche au port. Un jeune portois est jugé ce matin. Il avait rapidement été interpellé. Selon la presse écrite, les deux autres suspects se sont rendus mais ont été remis en liberté. L'opération avait démarré le week-end dernier chez Investissement et Commerce. Elle s'est poursuivie ces deux derniers jours dans le réseau Moret Film. C'est la fête du cinéma. Et comme ce week-end, le succès a été au rendez-vous. 14 000 personnes se sont déplacées. Les places ne coûtaient que 2,50 euros au lieu de 9 euros habituellement. Résultat, des salles quasi complètes à chaque séance. Yves Etève, le patron du Ciné-Cambé. Ces deux ou trois jours qu'on organise tous les ans, c'est pour permettre en principe aux gens qui n'ont pas pu voir certains films, qui ne peuvent pas venir pour des raisons diverses, de venir voir ces films à taux réduit. C'est vraiment très attractif. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer parce qu'on est aujourd'hui dans un concept de plus en plus se rapprochant de la métropole où la fête du cinéma se passe sur une semaine. Mais uniquement avec les films qui sont à l'affiche. Nous ne sommes pas encore là pour l'instant, mais malheureusement, ça risque de nous retomber dessus un jour. Pendant ces vacances, là, quel bilan tirez-vous ? Chez nous, en tout cas, ça a été extrêmement positif. Yves Etève, le patron du Ciné-Cambé, interrogé par Hubert Debeu. On parle maintenant des Jeux Olympiques de Rio avec cette bonne nouvelle pour la Réunion. Cindy Bio s'est qualifiée hier pour les demi-finales du 100 mètres et c'était au Stade Olympique de Rio. Les Jeux Olympiques, on en reparle tout de suite avec Martin Bartoletti, notre confrère de France Info. Après la pluie, lors du concours de saut à la perche, ce sont les larmes de Renaud Lavillonie qui ont coulé dans le stade olympique de Rio. Le Français médaillé d'argent la nuit dernière participait au podium de la compétition il y a quelques minutes. Le Clermontois n'a pas pu se retenir suite à la bronca qui descendait du public. Après son échec pour conserver son titre, Renaud Lavillonie avait fortement critiqué les spectateurs brésiliens qui l'avaient sifflé lors de son dernier saut. Les Bleus à Rio ne dorment jamais, décalage horaire oblige. De nombreuses épreuves olympiques ont lieu la nuit. En France, c'est encore le cas en ce moment. D'ici 15 minutes, les basketteuses françaises affrontent le Canada. Les braqueuses, demi-finalistes il y a 4 ans, vont tenter de décrocher une place pour le dernier carré. Sur la piste d'athlétisme, dernière ligne droite avec quelques obstacles pour Pascal Martineau-Lagarde et Dimitri Bescou. À 3h45, ils s'élanceront pour la finale du 110 mètres haies. La délégation tricolore compte désormais 28 médailles après l'argent remporté cette nuit par Sofia Noumia en boxe. Un peu plus tôt sur le ring, c'est Mathieu Boderlic qui a décroché le bronze. Du bronze aussi pour le nageur Marc-Antoine Olivier en 10 km en eau libre. Sans oublier la belle médaille d'argent pour Mélina Robert-Michon au lancer du disque. L'Isèroise participait à ses derniers jeux et finit sur un record de France. La Russie et l'Iran affichent de plus en plus leur soutien au régime de Bachar el-Assad. Pour la première fois ce mardi, des bombardiers russes ont frappé des positions djihadistes en Syrie en décollant d'un aérodrome iranien. Des positions rebelles étaient visées dans la région d'Alep. La seconde ville de Syrie qui a connu encore un mardi sanglant. 19 personnes sont mortes dans d'autres raids aériens, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Manuel Valls comprend et soutient les maires ayant pris des arrêtés pour interdire le port du burkini. Pas compatible avec les valeurs de la France et de la République, selon le Premier ministre. Déclaration à lire dans le quotidien La Provence ce mercredi. Après Cannes, Villeneuve-Loubet et Cisco en Corse, la mairie de Leucate dans l'Aude interdit elle aussi le burkini sur ces plages. Au Touquet également, le maillot de bain qui recouvre intégralement le corps des femmes n'est plus autorisé. Pour le maire Les Républicains de la ville du Pas-de-Calais, cette décision est un moyen de lutter, dit-il, contre le prosélytisme religieux. Un tribunal bulgare a ordonné ce mardi, comme prévu, la remise à la France de Mourad Hamid. C'est le beau-frère de Chérif Kouachi, l'un des auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo. Il est soupçonné d'avoir voulu rejoindre les rangs djihadistes en Syrie. Il avait été interpellé alors qu'il tentait de franchir la frontière turque le 28 juillet dernier. La rentrée prochaine va coûter encore plus cher aux étudiants. Se loger, se déplacer et se nourrir n'est pas donné. Un peu plus d'1% de plus que l'an dernier, selon l'enquête de la Fédération des associations générales étudiantes publiée ce mardi. Sans surprise, Paris reste la ville la plus chère. Il faut regarder du côté de Brest ou encore Pau pour trouver les étudiants qui ont le moins de frais de la vie courante. h 12 sur la première. Quel temps prévu pour ce mercredi? On voit ça tout de suite. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Ah bah côté est pour cette rentrée, Michael, toujours du vent et des nuages. Eh oui, ça continue, hein, ce cocktail que l'on a depuis le début de semaine, avec un ciel beaucoup plus généreux à l'ouest qu'à l'est. À l'est, le volcan, la plaine des palmistes ou encore les plaines de l'est sont prises sous les nuages ce matin. Le littoral, lui aussi, aura du mal à se débarrasser de ces nuages, mais progressivement, eh bien, cette couverture nuageuse va se déchirer lentement, en tout cas sur la côte est, et redonner espoir aux bénédictins ou encore aux saint-rosiens qui auront un peu de soleil cet après-midi, certainement. Il faudra bien en profiter parce que les nuages quand même seront bien tenaces, hein, sur le côté est, alors que de l'autre côté, eh bien, on aura une belle matinée. Puis ensuite, dans l'ouest, ça va se gâter un petit peu. Le temps sera un peu plus gris, notamment sur le relief entre la Possession et Trois-Bassins, un peu comme hier, avec un risque pluvieux qui reste faible. Ça, c'est la bonne nouvelle tout de même. Donc pas de pluie, hein, pour ceux qui n'aiment pas la pluie, en tout cas. Puis du côté de Saint-Pierre, ensoleillement favorable, à la faveur du vent, 70 km/h attendu encore aujourd'hui sur le sud et sur le nord. Ouais. Donc là, ça va bien décoiffer à nouveau. Ouais. Et puis le long des plages de l'ouest, on devrait avoir un petit vent de sud qui va revenir aussi 30-40 km/h, qui va rafraîchir un peu l'atmosphère, qui n'est pas forcément très chaude non plus, puisque la maximale aujourd'hui est attendue à Saint-Gilles, avec seulement 26 degrés. Est-ce qu'il faut conseiller aux parents, Michael, ce matin, de mettre un petit pull dans le sac de ceux qui vont partir à l'école? Petit pull certainement, surtout dans les hauts. Pour ceux qui habitent la plaine des Cafres, il ne fera pas plus de 8 degrés au lever du jour. Il en fait 2 au volcan, mais il n'y a pas d'école au volcan. Au moins, c'est clair. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Ah oui, puisque c'est la rentrée, Mickaël, aujourd'hui. Ça y est. Bah oui, ôté 224 350 marmailles qui s'en retrouvent le chemin de l'école. Une rentrée qui est échelonnée, vous l'avez entendu, avec un retour à l'école pour certains, soit vendredi, soit la semaine prochaine à partir de lundi. Et sur le front des enseignants, ils seront 16 000. Et aussi à retrouver le chemin des classes. Et justement, ce matin, nous irons à la rencontre d'une jeune professeure qui démarre aujourd'hui. Mais il en faut tous les beau ans. Métier, le plus beau métier du monde, celui de professeur. Elle sera donc avec nous avant 7h. Ça sera l'appel réveil. Eh oui, exactement. Pour savoir un petit peu comment ça se passe là pour elle. Est-ce qu'il y a un peu de stress avant d'aller pour la toute première fois dans sa classe? Et le premier jour d'école, ce sera également le sujet du Zambrocal quotidien avec le Lecci qu'on ne vous présente plus sur le web, vous le connaissez, et il a fait ses débuts en radio lundi, forcément ici avec nous dans Grand Matin. On vous attend sur Facebook, puisque ce matin on va déjeuner encore, on va petit déjeuner, vous envoyez votre petite photo de petit déjeuner. Je poste tout de suite. Alors, tiens, Isa poste sa photo comme tous les matins, et vous aussi vous pouvez le faire, alors avec ceux qui vous accompagnent, tout seul aussi, ça peut être sympa, hein, comme vous voulez. En tout cas, vous postez ça sur la page Facebook, la page Grand Matin. Et qu'est-ce qu'il y a à la clé? Il y a des invitations pour aller d'abord au cinéma. Et puisque c'est mercredi aujourd'hui, on va changer de film. Le professeur de violon, ça tombe bien, c'est la rentrée, alors on va rester dans les histoires de professeurs. Et ensuite, en fin de semaine, il y aura un grand tirage au sort. Alors tous ceux qui postent leurs photos participent au tirage au sort. Et pour ce matin, ma petite photo de petit déjeuner, ce sera café et pâté créole. C'est fait. On accueille Prisca qui sera aussi parmi nous ce matin. On ira au marché du Chaudron tout à l'heure. Bonjour Prisca. Hello Prisca. Bonjour La Réunion. Bah écoutez, j'ai un kit main libre, vous m'entendez bien? Mais oui, très bien. Bon, y a pas de problème. Je suis sur la route, c'est bon. J'ai mis le rouge à lèvres, j'ai fait mon brushing aujourd'hui. Super. Parce qu'aujourd'hui, c'est bon, il n'y a pas de pluie. Ah bah c'est très bien. Donc on peut arranger son cheveu. Truc de femme, ça. Descends de la montagne, parce que j'habite sur les hauteurs de Sainte-Marie. Dans mon loto, il fait 8 degrés. Bah là, enlève mon paletot. Et là, je prends la direction du Chaudron. Je suis sur la 4 voies. Il y a déjà du monde sur la route. Donc soyez prudents. Et pour ça que n'a pas envie d'être dans les embouteillages, il faut partir maintenant. Sur Saint-Denis. Pour ceux qui peuvent, en tout cas. À tout à l'heure pour le café. À tout à l'heure, Prisca. On prendra le café avec vous du côté du marché du Chaudron. Eh oui, on l'a bien fait de le préciser. Un rentrée, ça veut dire aussi que sur le réseau routier, il va y avoir plus de monde. Donc vous n'hésitez pas, si ça coince un petit peu à ces heures-ci, 99-2000 par SMS. Attention, nouveau numéro, Mickaël, 06-92-70-2000. Et Jean-Claude Machir sera avec nous tous les quarts d'heure nous donner un point sur le réseau routier, hein, puisque c'est important. Vous nous suivez ici. Si vous avez besoin d'une information route, vous la trouverez ici, dans Grand Matin. Allez, on commence avec un peu de douceur. Oh oui. Avec Juliette. Bonjour Juliette. Coucou Juliette. Je t'aime. T'arrêtes, oui. Bonjour et bon mercredi à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 17 août, ça vous le savez peut-être. Savez-vous que nous fêtons les hyacinthes? Vous en avez autour de vous, alors n'oubliez pas de leur faire une bise. Nous, en tout cas, on les embrasse. Merci d'être là. Voici tout de suite l'horoscope de la première. Bélier. Côté cœur, une cote de popularité grimpe sans discontinuer. Taureau. Sachez évoluer avec rapidité si vous voulez gagner. Gémeaux. Vous prendrez un virage assez sec, du coup, votre vie pourrait changer. Cancer. Votre imagination prend le pouvoir. Lion. Rien de neuf aujourd'hui, il faudra attendre la fin de semaine pour que cela recommence à bouger. Vierge. C'est la performance que vous visez à tout prix. Balance. Vous avez besoin de vous dépasser et surtout de dépasser les autres. Scorpion. Vous allez tenir le choc, mais vous vous ferez aider. Sagittaire. Vous aurez la sensation de ne plus jamais être seul et votre gentillesse aura raison de toutes les résistances. Capricorne, côté amitié, au lieu de tenter de mettre les autres à distance quand il y a un souci, faites le chemin qui mène à l'empathie. Verseau, vous avez l'impression de vous noyer dans les émotions en ce moment. Poisson, et si vous faisiez l'effort de vous remettre quelque peu en question? Bonne journée à tous et à toutes. C'était votre horoscope du jour. Ben non Juliette, moi je me noie pas dans de l'eau là, il nous dit les versos. Moi je voudrais bien par contre me noyer dans un peu de café. Vous avez peut-être besoin un petit peu, comme tout le monde d'ailleurs ce matin. 5h18 dans toute la Réunion, voici Créole Cause avec Princesse. Où est un princesse, votre cœur c'est un caresse. Quand cœur est en port, ses âmes sont tendresse. Princesse, votre regard c'est un caresse. Et quand le cœur est en port, ses âmes et son tendresse. Où les mélodies, il résonne dans la nuit. Par elle, il a poussant l'amour, elle laisse là pour toujours. Où les un sourire, le rêve que vous inspire. Il scintille en cristal, tant de reflets et étoiles. Où les un lance, la lumière étrange. Il déborde dans mon vie. Bon Dieu l'envoie à où il sait. Il n'a rien qu'un comme, il n'a rien qu'un comme. Il remercie le ciel, toute semaine la croisée. Il n'a rien qu'un comme, il n'a rien qu'un comme. Il remercie le ciel, toute semaine la croisée. Dans le sentier l'amour, pour les manigances. Je comprends plus rien, simplement quand on danse, sans qu'on frôle le divin. Rouler un soleil, reçoive mon frisson. Le bon vieux fleur Mickey, c'est pour parfum ou de chanson. Rouler un bonheur, on a du mal à croire. Fais à moi l'honneur, partage en moi autre histoire. Rouler un lance, la belle lumière étrange. Dans mon vie, c'est bon Dieu l'envoie à où ici. Il n'a rien qu'un comme, il n'a rien qu'un comme. Il remercie le ciel, toute semaine la croisée. Il n'a rien qu'un comme, il n'a rien qu'un comme. Il remercie le ciel, toute semaine la croisée. Dans le sentier l'amour, mon langue saura. J'adore cette mélodie de Gaël Véléien avec Créole Cause. Princesse sur première dans Grand Matin. On espère que vous vous réveillez bien avec nous. C'est jusqu'à 8h. Et nous, on va maintenant parler tiercé, quarté, quinté plus. Exactement. Pour ceux que ça intéresse. En tout cas, on était à Châteaubriand hier. Et l'arrivée, bien sûr, on l'a forcément. Eh oui, il fallait jouer le 10, l'As, le 4, le 15 et le 8. Hier, donc à Châteaubriand, 10, As, 4, 15, 8. Numéro plus gagnant, 24, 94. Cet après-midi, nouveau quinté. Ce coup-ci, Mickaël, ce sera du côté d'Anguin. Exactement, pour le prix de la Porte de Versailles. Un quinté qui va se courir à 15h47. Il y aura 16 partants, 2150 mètres à parcourir et dans la tirelire, 3 750 000 euros. Voici les pronostics du fouineur du GIR partenaire Réunion Première qui vous conseille le 13, le 11, le 16, le 5, le 10, le 3, le 6 et le 7. 13, 11, 16, 5, 10, 3, 6 et 7. Pour ce quintet, le prix de la Porte de Versailles. Départ prévu aujourd'hui à Anguin à 15h47. Et n'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. Allez, c'est parti, on s'étire, on ouvre les yeux. Ah, c'est compliqué, hein. Voici Ben L'Oncle Soul avec Seven Nation Army de Grand Matin. Bienvenue. Back and forth through my mind behind a cigarette. don't wanna hear about it. Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the Hounds of Hell. And if I got it coming back my way, I'm gonna serve it to you. Yeah. And that ain't what you wanna hear, but that's why. And the feeling coming from my bones says find a home. Find a home. Find a home, yeah. Find a home. Come on. Seven Nation Army, il est bon ? C'est pas mal. Ah, vous avez pris quelques cours pendant les vacances. Même. Bon, bah oui. C'est pas encore le top. C'est top, pas le mais top. Voilà. Bon, c'est pas Ben l'oncle Soul, Isa. Hein, ouais. C'est Ben l'oncle Sol. Sol. Ouais, c'est mieux. Mais c'est marqué Soul. Hein. Oui, je suis d'accord, mais bon. Oh, l'anglais, dis donc. C'est Ben l'oncle Soul. Et la prochaine fois, je vais désannoncer plus Jean-Jacques Goldman. Oui, ça sera peut-être mieux. Sera peut-être mieux. Quoique Goldman, c'est un peu de l'anglais aussi. Hein. Goldman. C'est ça. Bon, aujourd'hui, c'est la rentrée, c'est l'école. Bah, bah oui, oui. Eh oui. D'un jour inventer l'école. Il s'est dit folles. D'un jour inventer l'école. C'est sacré Charlemagne. Sacré Charlemagne. Et depuis 1964, on a cette petite chanson dans la tête. Eh bah oui, forcément. Oui. Un titre qui a cartonné 2 millions d'exemplaires. Pour l'époque, c'était vraiment énorme. Un titre qui va s'exporter dans le monde entier, au Japon. On chante cette chanson en Afrique, à Singapour, au Chili. Et ça devient même... Pour... On la chante dans notre langue, hein, bien sûr. On a... Comment ? Dans la langue du pays. Ah ben voilà. Évidemment, ça doit être marrant, on a l'a adapté. Bah oui, forcément. Chinois, par exemple, voilà, hein. Ça a été un véritable carton. Il y a même une rue en métropole qui s'appelle la rue Sacré Charlemagne, en hommage à cette chanson. Puisqu'aujourd'hui, c'est jour de rentrée. Oui, mais ça fait bien plus longtemps qu'en France, nous allons à l'école. Bah évidemment, enfin bref, il y a des traditions un petit peu particulières. Alors notamment, j'ai été regarder, en Russie par exemple, le cérémonial de la rentrée scolaire, c'est extraordinaire. Tout le monde se met sur son 31, on est tout beau. Les demoiselles, les filles sont invitées à mettre des fleurs dans leurs cheveux. Généralement un gros fleur, hein, dès le plus jeune âge, c'est super important. Et le premier jour de la rentrée des classes, les enfants, en chœur, tout le monde ensemble promet d'avoir de très bonnes notes pour l'année à venir. C'est voilà. Beau. On chante, l'hymne national résonne, on est content, on est heureux. Le tout, c'est de réussir après. Hein. Voilà, bon, pas sauf si que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Bon, bah voilà. C'est en Russie. Bah oui, c'est en Russie. Bon, sinon, après, l'école, c'est la rentrée, la réunion un petit peu partout dans le monde, en septembre pour certains, en Europe, etc. Et puis sinon, t'as des écoles un petit peu particulière. Oui, d'ailleurs, à la réunion, vous faites quoi toi, ce matin pour la rentrée, comment ça se passe, le cérémonial de la rentrée? Bah, dites-le nous là sur le 06 92 70 2000. Alors, on parie combien que tu as déjà des marmailles qui sont déjà réveillées? C'est possible. C'est possible parce que certains habitent dans les hauts, là, il faut descendre. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a l'école comme on la connaît, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'école insolite aussi. Bah oui. Par exemple, en Islande. Ah oui, mais alors, insolite de chez insolite, d'accord? On sort vraiment du côté traditionnel de l'affaire, de l'école. Par exemple, il y a l'école des elfes. L'école des elfes. Tu sais, un elfe, là, comme dans les films. Ouais. Tu sais? Comme dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Exactement. Okay. Il y a une école très sérieuse. Ça se passe où ça? En Islande. Donc, ça fait un petit peu loin pour prendre le bus poilé. Donc, voilà, c'est une école qui est dédiée à l'étude des elfes, donc ce peuple caché. Légende, évidemment. Alors, c'est une école très sérieuse qui a été fondée en 1991. Et donc, voilà, c'est une école que l'on peut visiter. Les touristes viennent, etc. Ouais. Et on prend, attention, on en rigole pas, hein. C'est super sérieux. Mais on y rentre vraiment dans ces écoles. Oui. C'est pas pour. Si tu veux étudier les elfes. Les elfes. Parce que ça peut te prendre demain matin, tu te dis tiens, j'étudierais bien les elfes. Alors moi, je suis pas Islande. Trop elfe. Est-ce qu'il y a quelque chose pour moi, par les exemple Jedi, ça te plaît plus. Ça, c'est plus sympa. Eh bien, déjà. On peut étudier, par exemple, les Jedi. Ça se. Bon, là, c'est plus pour les fans de Star Wars. Ça se passe du côté de San Francisco. Mais est-ce qu'on a les sabres laser et tout? Alors évidemment, ne dis pas étudiant. Tu n'es pas étudiant. Tu es un Jedi. Un jeune Padawan. Un jeune Padawan. Bah évidemment. Oui, bah voilà. Donc ça, c'est là-bas. Sinon. Qu'est-ce qu'il y a, Cécile Thomas? Je voulais savoir s'il fallait parler comme Maître Yoda. Ah, pas besoin, parce que ça, c'est en deuxième année. C'est dur, ça? C'est en deuxième ou troisième année, en licence, si tu veux. Pas pour le début. Tout à l'envers, là. Voilà. Sinon, il y a une école à New York, ça s'appelle la Philadelphia School of the Future. D'accord, là-bas, il n'y a pas de sac. Il n'y a pas de cahier, il n'y a pas de stylo. Tout se fait grâce à des manières à manière digitale, tablette, ordinateur, etc. N'importe qui peut y rentrer, sauf qu'il y a une loterie. Ah. Il y a une loterie, d'accord. Ah, et on est tiré qui, au sort parce que, si tu veux, il y a énormément de monde. Pour les donc, chanceux. Voilà, par exemple. Voilà, s'il faut avoir de la chance, il faut avoir envie, hein, en même temps, je vais te dire. Donc voilà, il y a une école de ninja aussi, si ça t'intéresse. Oui, j'ai vu une école de zombies aussi, carrément. Ah bah super. On peut apprendre à devenir un zombie. Super. Voilà, on a les déguisements. Et il y a des rencontres UNSS, ninja, zombies. Et à la fin, qui gagne, en fait? Bah, ça, on sait pas. Il y a une école qui disparaît. Mais sinon, on va rester traditionnel. Ça vous dit une petite chanson traditionnelle pour la rentrée? Allez, c'est l'école. Allez. La vraie. Je suis branchée mauvaise à l'école, sans ma maman, mais qu'est-ce qu'on rigole. Je vais apprendre à lire. Le pire, c'est qu'Isa est une vraie marmaille sur ce genre de chanson. Alors, je vais apprendre à rire et à compter. Ouais. C'est ordinaire, écoute. Et apprendre l'anglais juste, aussi. Maman, j'ai rien oublié. Ton goûter. Ah bah, faudra pas oublier son goûter. C'est important, n'oubliez alors, pas ce matin. Bonne rentrée à tous sur la première 5h30. Le journal de la rédaction est présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Une autre chanson, mais oui, l'école, c'est reparti. C'est la rentrée scolaire ce matin. Une rentrée sous le signe de la sécurité aux abords et dans les établissements. Nous en parlerons. Hier, les professeurs se sont retrouvés pour préparer cette nouvelle année de cours, alors qu'au collège et lycée Saint-Charles à Saint-Pierre, une grève risque de perturber le bon fonctionnement des établissements. Reportage dans ce journal. La sécurité aussi à l'hôpital. Les services d'urgence sont trop souvent le théâtre d'agression, personnel colisé, exaspération face au temps d'attente avant les soins. Les personnels pourront faire appel aux forces de l'ordre si besoin. Et puis nous irons à Rio à la fin de ce journal, partager la joie des filles de l'équipe de France de handball, qualifiées d'un petit but pour les demi-finales du tournoi olympique. Un match fou, vous l'entendrez. C'est le jour J, celui où l'on prend un bon petit déjeuner avant de retourner à l'école. Ça va bien se passer. Avec quelques nouveautés pour cette rentrée scolaire, la menace terroriste force les autorités à renforcer la sécurité aux abords des établissements. À Saint-Paul, par exemple, la mairie met en place des médiateurs de sécurité urbaine, des MSU. Explication Hubert Debeu. Il va falloir se familiariser avec les MSU, les médiateurs de sûreté urbaine. Vigipirate oblige, la mairie de Saint-Paul prend les devants. Elle vient d'embaucher 15 agents en emploi civique. Ils ont entre 18 et 25 ans. Willy Kyle est le directeur de la sécurité à la mairie. En priorité, ils vont faire de la médiation en termes de circulation, c'est-à-dire donc réguler la circulation sur zone, pourront intervenir pour protéger les enfants sur les traversées de route, faire de la surveillance générale dans le cadre de Vigipirate renforcée. Les 69 écoles de la commune n'auront pas toutes des MSU. Seules celles qui posent problème seront sous surveillance. Alors, nous avons en réalité 11 écoles qui, de façon quotidienne, nous posent des difficultés. Ces 11 écoles ont été repérées et doivent faire l'objet de façon quotidienne d'une présence. C'est l'État qui a mis en place les emplois civiques. Ça permet aux jeunes de mettre un pied dans la vie active. Jean-Marc Aur est élu délégué à la mairie. Nous avons utilisé ces emplois civiques pour sécuriser les abords des écoles. Ces 15 jeunes seront recrutés d'après des critères bien précis. Des jeunes qui ont la formation de sécurité, qui ont aussi bien la théorie qu'un peu la pratique de la sécurité. Ce seront des médiateurs. Donc le sens de la parole, le sens de la discussion, l'approche avec les personnes. Troisièmement, c'est les personnes proches du lieu de travail. Les emplois civiques travaillent 24 heures par semaine. Ils perçoivent un salaire de 580 euros par mois. Hubert Debeu. Rentrée aujourd'hui et des élèves de maternelle, de primaire et de sixième au collège, des secondes au lycée car il n'y a pas de grande rentrée. Elle est échelonnée jusqu'à vendredi. En revanche, tous les professeurs ont repris le travail hier. Près de 16 000 enseignants ont retrouvé ou découvert leur établissement. Olivier de la Richedie s'est rendu à l'école d'Amaz-le-Gros au Chaudron à Saint-Denis. Stylos et cahiers sur la table, les 25 professeurs titulaires remplaçants spécialisés écoutent attentivement la grand-messe de la directrice. L'enjeu, se mettre au courant des classes qu'ont obtenues les collègues, mais surtout se renseigner sur les projets pédagogiques de l'année. En plus de sa classe de CM2, Alexandre Turpin devra gérer l'éclipse du 1er septembre. Ça va être pris sur le temps de la pause méridienne, donc on voulait éclaircir quelques points. Quelles responsabilités vont aller aux enseignants quant à la garde des enfants, aux problèmes éventuels qui pourraient se passer, parce que une éclipse, c'est quand même quelque chose de dangereux. La question des moyens est aussi posée. Une classe Ulysse a bien été créée, mais elle attend son mobilier. Caroline Michel, en charge d'un CE2, s'interroge, elle, sur la pérennité du projet numérique Fluence. La mairie attribue des tablettes, mais après, il faudrait que ça suive, parce que les tablettes, c'est bien beau, mais si on n'a pas la connexion, le débit qu'il faut, on va être un peu coincé. En plus du laus de la directrice, les enseignants ont aussi eu droit à celui de l'inspecteur académique Thierry Lallemand, qui est venu détailler la circulaire de rentrée. Cette année, c'est la sécurité qui prime. Il y a des écoles où les portails ne fonctionnent pas très bien. N'importe quel individu peut entrer dans l'école. Voilà, il faut qu'on fasse remonter la liste des travaux pour que les parents sachent aussi que nos enfants sont en sécurité. Une journée qui s'est conclue par l'appropriation des classes par les professeurs. Un moment un peu spécial pour trois d'entre eux qui font aujourd'hui leur première rentrée. Olivier de la Richaudie, quelques petits couacs, certains établissements en cours de rénovation ne pourront pas accueillir les élèves ce mercredi. Les travaux ne sont pas terminés. La nouvelle est tombée hier pour l'école maternelle et primaire de la Cressonnière à Saint-André. L'accueil des enfants se fera dès lundi prochain. Autre rentrée perturbée, c'est possible en tout cas avec cette menace de grève au collège et lycée Saint-Charles-Saint-Pierre. Une partie du personnel d'éducation technique et d'entretien a cessé le travail hier. Les grévistes demandent de meilleures conditions de travail ainsi qu'une revalorisation salariale. Une rencontre entre grévistes et direction hier n'a pas permis d'aboutir à un accord. La direction propose 3% d'augmentation pour tous. Les grévistes réclament entre 3 et 8% selon les catégories. Les précisions de Bruno Borga, porte-parole des salariés grévistes. La direction nous propose une augmentation de 3% pour l'ensemble des salariés, qui nous semble être inégale par rapport aux différentes catégories de salariés. Et nous avons demandé 3% d'augmentation sur la catégorie le plus élevée et en faisant la répartition à tout le monde, ce qui représente 8% d'augmentation sur le plus bas salaire. La direction nous dit que c'est pas possible et qu'il ne peut pas partir au-delà de ce pourcentage budgétaire pour garder l'équilibre budgétaire qui lui permet de rester stable, de fonctionner. Nous demandons une augmentation de salaire en fonction du travail vraiment réellement fourni par rapport à cette surcharge. Des propos recueillis par Pierre Komorasamy et faute d'avoir trouvé un accord, la grève doit se poursuivre aujourd'hui. 5h36 sur la première, la suite du journal Cécile Thomas. En bref, Augustin Valencourt a été libéré et placé sous contrôle judiciaire hier. Le présumé gourou de la secte Marie Porte du Ciel avait récolté plus de 3 millions d'euros grâce à son groupe de prière. Il était mis en examen pour abus de confiance, suggestion psychologique et blanchiment d'argent. La secte était installée au 17e kilomètre du tampon. Le gourou est en liberté en attendant son procès. Trop de violence aux urgences, la sécurité va être renforcée au GHER, le groupe hospitalier Est Réunion. Une convention a été signée hier, le texte est une déclinaison du protocole d'accord santé-intérieur-justice qui concerne les établissements publics et privés. Les médecins peuvent appeler le 17 pour demander du renfort de force de l'ordre. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 100 agressions, dont 45 physiques nécessitant l'intervention des gendarmes. La durée d'attente avant la prise en charge des patients tend le climat aux urgences. Le docteur Yves Jacques Antoine, urgentiste, représentant des médecins. Garder notre calme, rechercher le dialogue envers et contre tout, expliquer. On est dans l'explication, toujours dans l'explication, mais envers et contre tout, quelquefois ça ne suffit pas. Et dans ce cas-là, on fait appel aux forces de sécurité qui sont d'abord à proximité, qui sont les vigiles, et un peu plus tard, effectivement, aux forces de l'ordre. Ah, ça vous rassure, ça nous rassure. S'assurer. Absolument, absolument. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en même temps, aujourd'hui, on est dans un plan Vigipirate. Donc ce plan Vigipirate existe au sein de l'hôpital du GHUR. Donc on a en même temps aujourd'hui, heureusement, un vigile posté à l'intérieur des urgences. Et ça nous rassure également beaucoup, quoi. Le docteur Yves-Jacques-Antoine, urgentiste, interrogé par Jean-Paul Mélade. Dans son plan de formation, le centre hospitalier universitaire met l'accent sur le volet anticipation, gestion des situations violentes. Avant de refermer ce journal, on fait un détour par Rio. Impossible de passer à côté de l'un des plus beaux matchs de l'histoire du handball féminin français. Mené de 7 buts à la mi-temps de leur quart de finale face aux Espagnols, les Bleus ont égalisé dans les toutes dernières secondes avant de s'imposer donc durant les prolongations 27 à 26. Un match incroyable à Rio. Le reportage de l'un de nos envoyés spéciaux, Martin Baumer. C'est indescriptible. On revient tellement de loin, mais tellement. Elles reviennent de loin, de très loin, les Françaises totalement dominées en première mi-temps, menées de 7 buts à la pause, avec une explication donnée par la Guadeloupéenne, Laurie Salandre. Je pense qu'on est rentré en fait sur le terrain avec un énorme stress. Voilà, c'était pas nous, c'était pas l'équipe de France qu'on a vue depuis le début. Je suis fier de cette équipe et je suis fier de faire partie de cette équipe. Fier d'une équipe qui a su se ressaisir et l'emporter après une incroyable remontée et un succès acté en prolongation dans une ambiance bouillante. La Guyanaise Béatrice Edwige. Et en fait, je suis tellement émue parce que c'était tellement dur. On a été la chercher, mais à bout de souffle, quoi. On était mené plus 7, on s'est dit, on va pas douter. De toute façon, ça sert à quoi de douter à ce moment-là? On est mené plus 7, elle fanfaronne. Non, on doute pas, on est sûr. On remet en place le plan de jeu. Et ça passe. Et tout s'est joué au mental, assure l'autre Guadeloupéenne de l'équipe, Alison Pino. On n'a pas tremblé, on y a cru jusqu'au bout. Il y avait du cœur, il y avait le public qui poussait. C'est sûr que le final est beau quand ça se termine de cette manière. Mais l'aventure n'est pas terminée. Les Françaises rencontreront à nouveau les Pays-Bas en demi-finale. Rendez-vous en demi ? C'est bizarre de dire ça. Bravo aux filles du hand français. Les garçons avec Daniel Narcisse joueront leur quart de finale face au Brésil ce mercredi. On suivra aussi également aujourd'hui Cindy Billot, la réunionnaise, est qualifiée pour les demi-finales du 100 mètres haies. C'est 110 mètres pour les garçons, c'est 100 mètres pour les filles. Et ben on espère que ça sera peut-être une médaille à la fin pour, Cindy. Il y a de la concurrence. Hein. Ah, de main, de pied, tout. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Merci Cécile. Il est 5h40 sur la première. Bon réveil à tous. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Allez, une bonne nouvelle, Mickaël. Il y aura du soleil ce matin. Sauf dans l'Est, oui, c'est plus nuageux. C'est souvent depuis quelques jours, assez couvert, hein, entre la Sainte-Suzanne et Saint-Philippe, aussi bien d'ailleurs sur le littoral que sur les hauteurs. Le volcan et les plaines sont aussi embourbés dans les nuages, alors que de l'autre côté, eh bien, le soleil est bien présent dès les premières heures du jour. Enfin, quand il se lèvera, hein, il se lèvera dans une heure maintenant environ. Puis dans l'après-midi, eh bien, on sera un peu tous logés à la même enseigne, sauf le littoral ouest et sud-ouest, surtout vers Saint-Pierre et les cirques de Mafate et Tsilaos qui bénéficieront de belles éclaircies ailleurs quand même. Sera bien nuageux et bien gris, surtout du côté de l'est et notamment des hauteurs de l'est. Hein. Le volcan, la plaine, des palmistes encore sous les nuages avec quelques petites averses comme ça distillées par endroits, notamment entre la Possession et Trois-Bassins. Enfin, ça risquerait d'être assez faible. Les températures au lever du jour, eh bien, elles seront fraîches encore. Hein, entre 2 et 13 degrés au petit matin, 13 par exemple au tampon pour ceux qui vont se réveiller. Ça c'est sur les hauteurs et puis sur le littoral 18-19 degrés. Puis dans l'après-midi on ira jusqu'à 27 degrés sur les plages, 24 à Saint-Denis et à Saint-Pierre. C'est l'hiver toujours. Ah bah toujours. Ah oui, toujours. Ça change pas. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. On file sur les marchés. Ah que oui. Va-t-elle nous trouver encore, Prisca, dans un instant? Peut-être un ananas de 4 kilos encore ou un légume insolite. Ah oui, hier on a parlé ananas, on a parlé bread cresson. Oui. Et aujourd'hui, c'est la grande question. On verra, on compte sur Prisca de toute façon pour nous trouver un bon affaire. Oui, surtout, c'était pas cher. Hein. C'était soit 2, soit 1 euro. Donc, c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est bien. Prirons. Toujours des bons plans. On embrasse également Patricia Dubrulé qui nous envoyait un petit SMS pour nous souhaiter une bonne rentrée. Bisous, Patricia. Bisous, bisous. Loïc Painaï. Laisse le pep causer. Sur première, bienvenue, bon réveil. Bese dan la mwa dja A fos mon grand papa Vibrasyon pozitiv Vi di les Lope koze Me zati an tan pa Zot nan don trak al ajan La politik Mwen mi les Mon ker koze Bese dan la mwa dja A fos mon grand papa Vibrasyon pozitiv Fi tro lontan Tou la pou kriye L'argent il fait couler le sang, tu es de mon familier. L'autre côté, n'a gouvernement, il y a un bouche l'osier. Fait croire à nous, sans enfants, que nous les pressions. Mais non, non, non, faut pas croire ça, mon frère, why non, non, non. Connais ça la blague, mon frère, why non, non, non. Babylone, mais ça l'enfer, why non, non, non. Faut nous bloquer à l'Uaster, dis-le, l'open causé. Mais ça, tu n'entends pas, ça t'a de tracalage dans la politique, mais dis-le, bloqué à causé. Mais c'est dans la moitié, à force mon grand papa, vibration positive, il laisse le père causer, mais ça t'y entend pas. J'en ai de trac à l'argent, la politique, moi m'y laisse mon cœur causer. Mais c'est dans la moitié, à force mon grand papa, vibration positive. Bon Dieu la donne à nous la vie, faut pas oublier ça, faut que nous vivons à l'île. Faut pas nous perdre la foi. La réunion où ça les olive, dans les hauts, dans les bas. Pollution pour fatigue à l'île. Faut nous faire attention ça. Ah non, mon frère, ouvre les yeux sur réalité. Ah non, mon frère, prends conscience la vérité. Ah non, mon frère, vive dessus la terre, bon Dieu, ensemble, mon frère. Dans l'amour, oui, ça même nous fait qui laisse l'opère. Mais ça t'y entend pas. J'en ai d'autres tracalages dans la politique. Mais j'y laisse bloqué à causer. Mais c'est dans la moitié. La force mon grand papa, vibration positive. J'y laisse bloqué à causer. Mais ça t'y entend pas. J'en ai d'autres tracalages dans la politique. Moi m'y laisse mon cœur causer. Mais c'est dans la moitié. Bosman grand papa, vibration positive, bien. Yeah. Lonnie Painaï qui avait chanté pour la première fois ce titre-là ici hein, sur nos premières dans les studios en live. Laisse le pop causer et forcément c'est un plaisir de l'écouter, le réécouter chaque jour. Sur Première et dans Grand Matin. Exactement. Ouais. Et à la place de Loïc Paina, Yukone Kisanana, là, tout de suite maintenant, dans ses studios. Bah, dans Grand Matin, on est une grosse équipe. Ah oui. C'est vrai, franchement. C'est la grosse équipe. On est nombreux. S'il vous plaît, merci. Grosse. Non, ce sont les plus que. Et les vacances, ça fait grossir un peu. Un peu. Bonjour. Jean-Claude, ça va? Bonjour, ça gonfle. Alors, ce qui gonfle pas, c'est qu'on n'avait pas eu l'occasion de se voir jusqu'à maintenant. Non. Bah, oui, c'est vrai. Bah oui, parce qu'on on écoute Jean-Claude Machère tous les matins sur les routes, mais on se voit pas forcément. Et là, on se voit pour la première fois, c'est un grand plaisir de vous revoir, Jean-Claude. On dirait qu'Isabelle, elle a forci un peu. Pardon? Ça, c'est pas sympa. Forci. Oui, ça veut dire grossi. Ah, forci. Tiens, là pour toi. Bon, on avait dit qu'on était une famille, les amis. Une famille. Tout à fait, c'est pour ça que je l'aime bien. Ah, donc si on est une famille, lui, ça tombe un peu le. Tu sais, là, ma tante qui est toujours en train de te faire des réflexions désagréables. Elle grossit un peu, mon enfant, hein? Quoi, la joue est un peu plus belle. Non, il a dit que t'avais forci. Forci. Et Lily, il a coué. Dans le caractère, c'est ça, voilà. Plus de vigueur, plus de poids, plus de force. Allez, rajoute-en, vas-y Jean-Claude, rajoute-en. J'aime bien qu'on se voit pas en fait. Ce matin, t'as fait le trajet, ça se passe comment? Ça se passe plutôt bien, en fait, c'est vrai qu'on panique un peu pour la rentrée des classes aujourd'hui. Ouais. Ça va être surtout la galère du côté du pont de la Délivrance, puisque ça ouvre à 6h, mais dans un seul sens de circulation à partir de 6h jusqu'à 14h, donc dans le sens est-ouest, pour tous les gens qui viendront donc de la RD41, ils pourront passer par ce pont de la Délivrance. Et à 14h30, il y a un changement de direction. Sur Saint-Pierre, apparemment, les travaux sont terminés à la rue Babet, à la rue Hubert de Lille. Donc ça devrait aller mieux. Mais j'en doute. Ouais, on va voir. Mais le pic, ce sera demain, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, les enfants vont chercher les livres à l'école. Beaucoup vont chercher les livres à 7h30. Mais demain, ça va être vraiment la grosse galère. Aujourd'hui, donc, je fais Saint-Denis. Demain matin, ça sera Saint-Pierre. Oui. Et puis, vous aussi, n'hésitez pas à nous appeler pour nous dire ce qu'il en est côté circulation pour vos enfants. Voilà. Vous avez deux numéros, 0262 99 2000. Et puis, le nouveau numéro SMS. C'est le 06 92 70 00 2000. 70 00 2000. 06 92 70 000 euros. En tout cas, vous êtes magnifiques. On a besoin. Tous les deux, et bonne rentrée à vous. Bah, merci. Gros bisous, et puis bonne rentrée à notre joli Jean-Claude, notre technicien Dédé. Vous passez donc du côté de l'autre côté, on vous filera un chèque parce que vous nous faites tellement de compliments. Ah, pas moi. Pas moi, parce que j'ai forci, si tu veux. Mais le caractère a forci, mais elle est ravissante. Hein. Ouais, allez, effectivement, elle prend aussi belle. Déjeuner. Hein. Toujours aussi belle. Alors, on file sur le marché du chaudron avec Prisca. A tout de suite. Réunion première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place? Réunion première vous invite pour Enfants Illois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion ? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion première. Première. Et on prend la direction du marché du chaudron. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Et ça y est, Prisca est bien arrivée au milieu des fruits et des légumes. Bonjour Prisca. Salut Prisca. Bonjour, ça vous dit un petit déjeuner pas comme les autres? Alors matin, on oublie les beignets, on oublie les viennoiseries. Je vous propose un gâteau patate carotte ou un gâteau patate betterave. Anthony, c'est quoi ça? Bonjour. Bonjour La Réunion. Ben, les patates betteraves, c'est patates douces, mais il y a la couleur de la betterave. Oui. Il y a la patate carotte, ça a le même goût la patate douce, c'est la couleur de la carotte. Oui. Moi, j'ai associé ça depuis 2-3 semaines. Là, pour faire un c'est nouveau ça. Hein, oui, c'est nouveau, sur le marché forain aussi. Oui. Donc voilà, ce serait pour voir, pour faire passer, pour montrer un nouveau modèle de gâteau, on va dire. Bon, on va faire une séance de dégustation là dans pas longtemps. Alors, si vous n'êtes pas très loin du marché forain du Chaudron, venez nous rejoindre. En tout cas, ce matin, tous les forains sont installés, Isabelle et Mika. Là, nous sommes à l'entrée du marché forain du Chaudron. Anthony, est-ce que le gâteau patate carotte et le gâteau patate betterave, ils coûtent le même prix que le gâteau patate normal? Oui, j'ai fait pratiquement tout le même prix, hein, oui. pour pas faire de différence, mais oui, tout est à 1 euro, là. Ah, là, est-ce que le goût, il change? Parce que la couleur, il change, en tout cas. Oui, il y a un petit goût, enfin, la plupart des clients me disent que c'est très bon, il y a un petit goût qui change, mais après... Après, ça dépend du palais. Voilà, il faut venir voir, quoi. Bon, allez, si vous n'aimez pas le gâteau patate, pas de panique, on vous propose le gâteau tisson. Gâteau tisson et gâteau manioc, ce matin. Gâteau, et ça coûte 1 euro aussi. Oui, c'est 1 euro. Bon. En plus, il y a du café, il y a du thé avec Anthony. Et nous avons posté la vidéo du petit-déj sur la page Facebook de Grand Matin. Hein, vous allez pouvoir avoir une idée de ce gâteau patate-carotte ou gâteau patate-betterave. Alors on vous met quoi, vous met quoi de côté? Bah, on aimerait manger, nous, en fait. Hein, patate-betterave plus. Ouais, bon, patate-betterave plus tisson. Tisson pour moi. Et gâteau tisson pour Mika. À tout à l'heure. Merci Prisca. Et tout est à 1 euro. C'est parfait. Ce sont des gâteaux soldés. C'est bien. Mais c'est ça, pas quand soldé, même. C'est le prix pour faire simple. 1 euro. C'est sympa quand même. Hein. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Allez, on va jouer maintenant le mixeur. Le mixeur de Grand Matin avec DJ Fou qui a fait son apparition dans les studios. Exactement. Et qui nous a mixé deux titres. À vous de les trouver, alors soit les titres, soit les artistes. Voilà, on va pas faire compliqué ce matin. Hein. À la clé, deux places de concert pour le concert événement, Enfants Illois, l'Indigo, Désiré François, les toutes premières places à se gagner ici sur Réunion Première. Ce sera le 7 octobre prochain au Petit Stade de l'Est. Et bien comment qu'on fait pour gagner? On écoute DJ Fou. Allez, c'est parti. Allez. Ben, ça va. Facile. Ça va. Ne tourne pas rond. Je suis sûr, sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Très simple. Dance, dance. On a dansé pendant toutes les vacances là-dessus. Je connais le chanteur, mais pas le titre de la chanson. Je peux jouer quand même. On peut jouer. 0262 99 2000. Et la première au standard la plus rapide ce matin, c'était Corinne de Saint-Paul. Coucou Corinne. Oui, bonjour toute l'équipe. Comment il est? Oui, ça va, ça va. Oui, mais sur la route, il roule bien dans les deux sens. Eh ben, c'est super, ça. Franchement, c'est une bonne nouvelle. Corinne, on est en forme ce matin. Oui, ça va. Qu'est-ce qu'on va faire, Corinne, ce matin? Ben là, mais ça va. Ben, mon garçon, il rentre au lycée, donc voilà. Ça y est, c'est la rentrée. Voilà, voilà. Et puis, bah, ben, l'autre qui rentre au collège, mais voilà. Oui. Ça va plus être la même heure le matin pour se réveiller, Corinne. Oui, hein. voilà, c'est ça. Mais maman, elle est là, maman y accompagne. Bien sûr qu'il faut. Corinne, avez-vous trouvé le mix de DJ Fou, vous, Corinne? Oui, bien sûr. On va la jouer comme ça, mais je pense que. Pas sûr. Oui, voilà. Pas sûr de où. Bon, alors, Corinne, dites-nous. Tente. On rigole, peut-être ou pas. Allons, tonton on va voir. David, non ? Ouais, tonton David, ça c'est bien. Bon, c'est sûr. Oui. Et l'autre. Ah, c'est l'autre même ? Bah oui. Tonton David, c'est bien, oui. Et le deuxième ? Mais l'autre n'a pas compris parce qu'il était con, Dieu en même temps. C'est bien le problème. Si je vous dis Can't Stop the Feeling, qui chante ça ? Il y a des collégiens, des lycéens dans la voiture. Can't Stop the Feeling. Mon Dieu. Un petit boug américain. Un petit boug américain, c'est pas Justin Bieber, mais c'est l'autre. Il s'appelle Justine aussi. Non, mais le patron, ma soeur me voit, mais le plus local. Tout ça. Oui, bah oui, bah il connaît, mais bon, allez, Corinne. Allez, Corinne, vous étiez la première au standard. Ouais, allez, c'est la rentrée. C'est la rentrée. On va vous l'offrir, c'était Justin Timberlake. C'est pour vous. Et bah alors tout va bien. Parfait. Voilà, Corinne, on vous fait de gros bisous. Vous repartez avec vos deux places de concert. On vous explique tout à l'heure. Bisous, bisous. Salut, Corinne. Allez, bye bye. Première. Et voici les avis de décès. Les avis de décès avec Réuni Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Réunion Première vous fait part du décès de Madame Mathurin Rosemarie Suzette. Madame Mathurin Rosemarie Suzette, dit Madame Lolo. Le décès est survenu lundi à l'âge de 80 ans. Une veillée mortuaire a lieu au centre funéraire de Prima. La bénédiction aura lieu au centre de Prima aujourd'hui à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de Prima. Décès de Monsieur Gerville Expédite. Monsieur Gerville Expédite, le décès est survenu hier à l'âge de 57 ans. La veillée a lieu au domicile 19 impasse des Gingembres à Petite-Île. Le convoi mortuaire sortira de cette adresse aujourd'hui à 13h30. La bénédiction aura lieu en l'église de Petite-Île à 14h, suivie de l'inhumation cimetière du même lieu. Décès de Madame Oupillard Panin, née Périanin Julienne Émilienne. Le décès de Madame Oupillard Panin, née Périanin Julienne Émilienne, dite Nénène. Le décès survenu hier à l'âge de 84 ans. Le convoi mortuaire sortira de chez sa sœur Madame Ramsamy Anne au numéro 22 chemin Balance Rivière du Malais haut à Brapanon aujourd'hui mercredi à 15h. La bénédiction aura lieu en l'église de Brapanon à 15h30 suivie de l'inhumation au cimetière de Brapanon. Décès de Madame Damour, née Nativelle, Marie-Amélie. Madame Damour, née Nativelle, Marie-Amélie. Le décès est survenu lundi à l'âge de 100 ans. Le convoi mortuaire sortira du foyer La Clémence au numéro 12 rue de l'église à la Saline Léo à Saint-Paul aujourd'hui à 10h. La bénédiction aura lieu en l'église Sainte-Thérèse d'Avila de la Saline à 10h30, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Gilles-les-Bains. Le décès de Madame Albaret, de Monsieur Albaret Marceau. Monsieur Albaret Marceau, le décès survenu samedi à l'âge de 88 ans. La veillée se déroule au 79 route de Montgaillard à Saint-Denis. La bénédiction aura lieu aujourd'hui à 16h30 en l'église de la Trinité, suivie de l'inhumation au cimetière de l'Est. Décès de Monsieur Tazar Stéphane. Monsieur Tazar Stéphane, le décès survenu lundi à l'âge de 87 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile au numéro 476 chemin Morel à Belmaine-Saint-Paul, aujourd'hui à 14h30. La bénédiction aura lieu en l'église de Belmaine à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de l'Étang-Saint-Paul. Réunion Première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réuni Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Et Mickaël, un communiqué pour ce mercredi. Oui, il prévoit une coupure d'électricité pour travaux ce mercredi à Saint-Philippe de 8h à 13h sur la rue Kervegen en partie, route nationale de Basse-Vallée, rue de l'École, rue Labourdonnais, Paillanqueux, route nationale de Baril, rue Edmond Albus et rue de la Ravine. Toutes ces rues et donc avenues mentionnées seront donc privées d'électricité, mais en partie de 8h à 13h. Plus d'informations sur le www.edf.re. Première. Eh, vous savez quoi, ce matin, le défi de Grand Matin, c'est d'envoyer une photo de votre petit déjeuner, tout seul, ou en famille, ou avec votre chien, ou avec qui vous voulez. De toute façon, c'est pas un problème. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a à la clé peut-être avant la fin de la semaine? Eh bien, des invitations d'abord pour aller au cinéma pour aujourd'hui. Et en fin de semaine, le tirage au sort. Vous irez peut-être avec la personne de votre choix à l'hôtel, dans un hôtel de charme du Sud, pour prolonger un petit peu ça cette sensation de vacances. Pêche. Elvis Crespo, Suavemente, sur Première. Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame. Suave. Que ça donne vos 3 heures de cours de salsa que vous avez pris pendant les vacances. Exactement, enfin. Mon Dieu Seigneur, c'était avec quel prof? Avec le prof à DJ Fou? Je crois que j'ai mal au dos. Je crois que j'y suis allé un peu trop fort là sur la salsa. Il aurait mieux fallu quand même apprendre un peu plus, hein, parce que Florent est un grand danseur de salsa. Oh là là, c'est caliente, dis donc. Il le montre pas, mais. Ouais, mais pas trop non plus. On va regarder de loin quand même. Voilà, un grand danseur de loin. Aïe, aïe, aïe. Il est 6 heures sur la première. Le journal de la rédaction est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Cartable, nouvelle basket, tout est prêt pour la rentrée. 224 000 élèves reprennent ce matin le chemin de l'école. Enfin, pas tout à fait. Certains ont droit à quelques jours de vacances supplémentaires en cause le retard accumulé par quelques établissements. Reportage à suivre. Une rentrée 2016 placée sous le signe de la sécurité. On en parlera aussi. Une série de mesures a été annoncée pour limiter le risque d'attentat. La sécurité, il en a aussi été question hier au GHER, le groupe hospitalier Est Réunion. Une convention a été signée pour mettre fin aux agressions. Et puis, en sport, aux Jeux Olympiques de Rio, la réunionnaise Cindy Bio s'est qualifiée hier pour les demi-finales du 100 mètres. Et on y reviendra à la fin de cette édition. Ce chiffre, pour commencer, 5, c'est le nombre d'établissements qui n'accueilleront pas les élèves ce matin, ce mercredi. Et pourtant, jour de rentrée scolaire, 224 350 marmailles doivent reprendre le chemin de l'école. Mais certains ont droit à quelques jours de vacances supplémentaires. À Saint-Benoît, par exemple, à l'école Denise Salahi, la rentrée est prévue vendredi. Ce sera même lundi prochain pour les écoles maternelles et élémentaires de la Cressonnière. Résultat, 323 petits Saint-Andréens vont devoir rester chez eux ce matin. Joanne Adamadorassi. Reporter la rentrée de l'école maternelle et de l'école élémentaire de la Cressonnière, une décision qui a été prise hier matin après une visite de chantier des élus. Les travaux ont pris du retard compte tenu des dernières pluies. Nadège Cantalia-Tegali, adjointe déléguée à l'éducation et à la réussite éducative à Saint-André. Non seulement l'accueil ne peut pas être assuré, donc de façon sereine, mais surtout la sécurité. Je pense qu'il faut laisser le temps aux entreprises d'assurer les travaux nécessaires, assurer la sécurité sur les réhabilitations qui se fait fait sur site. Retour en classe lundi donc pour ces marmailles, mais les travaux ne seront pas terminés pour autant. Ces écoles font l'objet d'un gros chantier. Aurélie Rivière, directrice des services techniques de la mairie. L'école de la Cressonnière fait l'objet en fait d'une grosse réhabilitation dans le cadre du projet donc de rénovation urbaine du quartier de la Cressonnière. C'est un chantier qui va durer 18 mois. Actuellement, on est à 25% d'avancement des travaux. Ce sont des travaux qui se déroulent en fait en site occupé par un système de tiroirs. On libère une partie de l'école pour travailler sur une autre partie. Mais que les parents se rassurent, le chantier sera sécurisé au maximum. Aurélie Rivière. On a installé des barrières et c'est une partie qui sera complètement cloisonnée et qui sera inaccessible au personnel enseignant et aux élèves. Fin des travaux prévus en 2017, mais c'est sans compter les aléas liés au chantier et aux intempéries. Et après Saint-Benoît et Saint-André, dans l'Ouest, au lycée Jean Englot, Duport et Évariste de Pargny à Saint-Paul, la rentrée est reportée à mardi pour les élèves, la veille pour les enseignants. Les enseignants, justement, ils sont 16 000 cette année et ils ont fait leur pré-rentrée hier. Objectif, accueillir les élèves dans les meilleures conditions. Et puisque l'on parle de l'accueil des enfants, cette rentrée 2016 a, je vous le disais, été placée sous le signe de la sécurité en toile de fond, la menace terroriste. Une série de mesures a été annoncée pour prévenir tout risque d'attentat dans les écoles. D'abord, la police sera présente aux abords des établissements scolaires et puis les référents sécurité vont voir leur champ d'action élargi. Plus de précisions dans notre journal de 6h30. À Saint-Paul, la mairie a décidé de renforcer encore un peu le dispositif de sécurité. Elle vient de recruter 15 médiateurs de sûreté urbaine, des MSU. Ils seront aux abords de certaines écoles maternelles et primaires, celles dites compliquées. Ces MSU, des jeunes de 18 à 25 ans, seront chargés de moduler la circulation et d'assurer la sécurité des élèves avec un objectif. Willy Kyle, le directeur de la sécurité à la mairie de Saint-Paul. Faire face à des problèmes d'incivilité et de sécurité aux abords des écoles, nous avons choisi les écoles les plus compliquées, il y en a 11 sur le territoire. Ces agents vont venir réguler et rassurer donc la circulation et rassurer donc les enfants, les faire traverser, les accompagner sur le territoire. Ces 11 écoles ont été repérées et doivent faire l'objet de façon quotidienne d'une présence pour que la sécurité soit totale pour les élèves de Saint-Paul. Willy Kyle, le directeur de la sécurité à la mairie de Saint-Paul, au micro Réunion Première d'Hubert Debeu. Velayodom Marimoutou reviendra tout à l'heure sur la sécurité autour des écoles. Le recteur est aujourd'hui l'invité de la matinale. Au menu également, le manque d'enseignants dénoncé par les syndicats et la réforme du collège, l'autre nouveauté de cette rentrée 2016. Rendez-vous à 7h15. La rentrée des classes qui risque d'être perturbée dans le sud pour les élèves du collège et du lycée Saint-Charles à Saint-Pierre. Une partie du personnel éducatif, technique, entretien est en grève, une première pour l'établissement. Les grévistes revendiquent de meilleures conditions de travail et une revalorisation salariale. 6h05 sur la première, la suite du journal Florent Marot. Augustin Valencourt a été libéré hier et placé sous contrôle judiciaire. Le gourou présumé de la secte Marie Porte du Ciel avait récolté plus de 3 millions d'euros grâce à son groupe de prière. Le tamponné est mis en examen pour abus de confiance et blanchiment d'argent. Lui avait participé à l'agression d'un vendeur de poulet dimanche au port. Un jeune portois est jugé ce matin. Il avait rapidement été interpellé. Selon la presse écrite, les deux autres suspects se sont rendus, mais remis en liberté. La sécurité améliorée et renforcée aux urgences du GHER, le groupe hospitalier Est Réunion. Une convention a été signée entre l'État, la gendarmerie et le CHU dans le cadre du protocole santé intérieur justice. On enregistrait jusqu'ici une centaine d'agressions par an. Alors dans son plan de formation, le centre hospitalier universitaire met l'accent sur le volet anticipation avec des exercices en partenariat avec les forces de l'ordre. Il s'agit pour les gendarmes d'un renforcement de l'existant. Rosanne Vaillant. Tout l'objet de cette convention, c'est qu'on a amélioré l'existant, c'est-à-dire que maintenant, il y a une formation auprès des agents du GHER, hein, donc ils sont maintenant habitués aux différents process, donc l'appel systématique au 17, et également le coup de téléphone, comme je disais tout à l'heure, de la personne qui voit les choses, qui entend les choses, de façon à ce que nous, forces de l'ordre, on rentre directement avec la personne qui donne l'alerte, pour qu'on rentre en contact avec elle, pour avoir tous les éléments nécessaires à notre intervention. Rosanne Vaillant, micro Réunion Première de Jean-Paul Mélade. Les prix à La Réunion, ils sont en hausse selon l'INSEE qui publie ce matin l'indice des prix à la consommation pour le mois de juillet. Plus 1% en cause l'augmentation des tarifs aériens en haute saison. Plus 3,2% également pour le gazole contre 0,8% pour le sans-plomb. La rentrée scolaire, on y revient, 224 350, c'est le nombre d'élèves scolarisés cette année. Certains vont retrouver les copains, d'autres vont dans l'inconnu. Ça, on l'a dit, mais plus légèrement, quel souvenir gardez-vous de ce jour particulier ? Olivier de la Richaudie vous a posé la question. C'est un peu étonnant, mais c'est les odeurs d'école, là. Je sais pas si vous vous souvenez, l'école avec les peaux oranges, là, qui sentaient un peu l'amande. Les souvenirs de papier froissé, les crayons qu'on est fiers d'acheter, la trousse, le nouveau cartable, on est tout content et on veut faire le malin devant ses petits camarades. Ben, nous, de rentrée scolaire, longtemps, on était un peu triste par rapport à notre époque. Là, il y a point le bus, il fallait aller à l'école à pied, hein. Là, il y a point linge, il fallait mettre sa vatte, les marches dans la boue. C'était pas comme maintenant. Maintenant, les sophistiqués, on va dire. On en a plus de moyens mis à la disposition marmaille pour aller à l'école. Nous, ça va comment ? Pieds nus à l'école. Pour moi, c'est l'excitation de savoir quels copains et copines je vais retrouver et quels profs je vais avoir ou pas avoir. Bah déjà, je vivais avec ma grand-mère. J'avais, bien sûr, une jolie robe pour la rentrée, ça, c'est sûr. Tout était nouveau, mais après, sans plus. Hein. Mais moi, la rentrée, c'est la fin des vacances, donc c'était pas réellement mon truc, mais il fallait bien y aller. Et allez, bonne rentrée à tous, aux élèves et évidemment aux professeurs. Un mot des Jeux Olympiques de Rio pour terminer ce journal. La réunionnaise Cindy Bio s'est qualifiée hier pour les demi-finales du 100 mètres et une nouvelle chance de médaille pour la France. Dimitri Bascou, le Martiniquais, lui, est médaille de bronze sur 110 mètres. Et on en reparle tout de suite avec nos confrères de France Info. Le Français Dimitri Bascou vient de remporter la médaille de bronze en 110 mètres haies au JO de Rio. Il termine troisième derrière le Jamaïcain Omar McLeod en or et l'Espagnol Orlando Ortega en argent. L'autre tricolore de cette finale, Pascal Martineau Lagarde, termine au pied du podium. Le compteur des médailles françaises grimpe donc à 29 après l'argent remporté cette nuit par Sofiane Oumia en boxe. Un peu plus tôt sur le ring, c'est Mathieu Bauderlic qui a décroché le bronze. Du bronze aussi pour le nageur Marc-Antoine Olivier en 10 km mettre en eau libre. Sans oublier la belle médaille d'argent pour Mélina Robert-Michon au lancer du disque. L'Isèroise participait à ses derniers jeux et finit sur un record de France. Les basketteuses françaises sont menées par le Canada 35-30. On approche la fin du deuxième quart-temps pour une place en demi-finale du tournoi olympique. Les braqueuses médaillées d'argent il y a 4 ans doivent réagir si elles veulent poursuivre l'aventure. Le gagnant de cette rencontre sera opposé aux États-Unis, facile vainqueur du Japon, 110 à 64. Manuel Valls ne souhaite pas légiférer au sujet de l'interdiction du burkini. En pleine polémique autour de ce maillot de bain qui recouvre la totalité du corps des femmes, le Premier ministre a dit comprendre et soutenir les maires qui ont interdit le port du burkini sur leur commune. Des propos à lire dans le quotidien La Provence ce mercredi. Actuellement, 5 villes de France ont pris des dispositions contre. C'est le cas de Le Cat dans l'Aude, de Cannes, Villeneuve-Loubet, Cisco en Corse ou encore le Touquet. Mourad Hamid sera bien remis à la France. Un tribunal bulgare a ordonné ce mardi, comme prévu, l'extradition du beau-frère de Chérif Kouachi, l'un des auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo. Il est soupçonné d'avoir voulu rejoindre les rangs djihadistes en Syrie. Il avait été arrêté alors qu'il tentait d'entrer en Turquie le 28 juillet dernier. La rentrée prochaine va coûter encore plus cher aux étudiants. Se loger, se déplacer et se nourrir n'est pas donné. Une note supérieure d'1% par rapport à l'an dernier, selon l'enquête de la Fédération des associations générales étudiantes publiée ce mardi. Sans surprise, Paris reste la ville la plus chère. Il faut regarder du côté de Brest ou encore Pau pour trouver les étudiants qui ont le moins de frais concernant la vie courante. La purge est toujours d'actualité en Turquie après le coup d'État manqué dans le pays à la mi-juillet. Cette fois, ce sont des dizaines d'entreprises installées à Istanbul qui ont été prises pour cible, notamment les locaux d'un groupe de distribution soupçonné d'avoir apporté un soutien financier à l'opposant Fethullah Gülen. Le prédicateur en exil aux États-Unis est toujours pointé du doigt par le président Erdogan comme instigateur du putsch. Le parquet turc a d'ailleurs requis ce mardi 2 peines de prison à vie à l'encontre de Gülen, plus 1900 ans supplémentaires d'emprisonnement. Les Uruguayens, trop gourmands en cannabis, le pays est le premier au monde à avoir légiféré pour la vente d'herbes à usage récréatif dans les pharmacies. Problème, la production sous tutelle de l'État ne suffira pas à couvrir la demande, a annoncé un adjoint du cabinet présidentiel. L'Uruguay avait lancé ce type de vente pour lutter contre les narcotrafics. Le gouvernement percevra 10 à 13% des recettes. Il est déjà 6h12 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et Mickaël, après la fraîcheur de la nuit, les températures remontent un peu ce matin. Oui, mais il faudra quand même pas oublier le petit pull si on est dans les hauts et la petite veste si on est sur le littoral. Pas plus de 19 degrés si vos enfants rentrent à Saint-Gilles. Si vous rentrez à la plaine des Cafres, il ne fera pas plus de 6 degrés. Ce matin, au lever du jour, c'est frais. Hein. 6 degrés, c'est même froid. Tout comme un volcan 7 dans le cirque de Sillaos. On salue à tous ceux qui nous écoutent des cirques. Le thermomètre va remonter, forcément, avec du soleil qui sera généreux sur l'ouest et le sud. De l'autre côté, sur l'est, notamment entre Sainte-Suzanne et Saint-Philippe, là, ça sera plus nuageux, plus gris. Donc, on aura du mal à se faire réchauffer par le soleil. En tout cas, les premières heures du jour, ensuite, les éclaircies vont venir pour que l'après-midi, eh bien, tout le monde soit presque sous les nuages. Enfin, en tout cas, surtout sur les hauts de la Réunion. Et puis, sur l'est, on restera quand même sur un ciel un peu plus teinté de gris que de bleu. Le bleu, il faudra aller chercher surtout vers le littoral ouest et le sud, vers Saint-Pierre où il y aura du vent. Par contre, en contrepartie, 70 km/h attendu sur Pierrefonds ainsi que de l'autre côté sur le chef-lieu. Et puis sur les plages, on aura un petit vent aussi qui rentrera de sud. 40 km/h attendu, une mer qui sera plutôt forte aussi dans les endroits ventés, et une mer dans l'est et le sud qui sera donc au déferlement d'une houle d'alizé qui s'amortira en fin de journée. Température maximale attendue cet après-midi de 15 à 22 degrés sur les hauts, 22 notamment au tampon, et de 24 à 27 degrés sur le littoral, 24 à Saint-Denis. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que ça coince déjà sur le réseau routier? Jean-Claude Machir, vous êtes devant le pont fermé du côté du bas de la rivière. Oui, déjà, c'est le pont qui est fermé. Bonjour à vous, bonjour à vous qui nous rejoignez. Un pont qui devrait être ouvert à la circulation eh bien, dès 6h. Eh bien, pas un seul ouvrier sur le chantier pour l'instant pour me donner la perception que ce pont va être ouvert vraiment ce matin. Donc, on va patienter pour voir à quelle heure il va être ouvert. En tout cas, le pont du bas de la rivière fermé à la circulation pour l'instant avec les panneaux qui vous en interdisent l'accès. Côté circulation, pour répondre à votre question, depuis 6h moins de quart, on avait déjà un premier ralentissement à la hauteur de Belmen et maintenant nous sommes à la fin du viaduc de Saint-Paul en direction du port, donc une circulation très dense. Il en est de même en provenance de l'est, on a déjà des ralentissements du côté de Sainte-Marie pour venir sur Saint-Denis. Dans le sud, pour l'instant, la circulation est dense, mais ça reste encore assez roulant à Saint-Pierre en centre-ville. Beaucoup de monde sur la route du littoral pour venir en direction de Saint-Denis. Le boulevard sud reste encore fluide lui aussi. Et entre les giratoires de la Plaine et de Voix-Canotte, on n'a pas encore trop de difficultés de circulation, si ce n'est. Donc circulation très dense en provenance de l'est. Et ça reste déjà bien ralenti à la fin du viaduc de Saint-Paul. Prudence et bonne route à vous. Merci Jean-Claude. Merci, à tout à l'heure. Que va-t-il se passer avant 6h30? Bien, vous allez le savoir maintenant avec bien sûr notre petit déroulé du programme pour la suite. Eh bien, on ira vous faire manger des fruits et légumes à foison puisqu'on vous offre 20 € de bons de réduction. Oui, il faudra composer le 99-2000 tout simplement pour repartir avec ce bon d'achat. Le 02-62-99-2000, il n'y a pas de question, il n'y a pas de chichi, voilà. Pas de chacha, rien. Ouais, bien, que des fruits et des légumes. On ira sur le marché aussi, puis d'ici là, on écoute Stromae avec tous les mêmes sur Première dans Grand Matin. Excellent réveil à vous, on est là jusqu'à 8h. C'est pas le DJ fou qui est avec nous là? Non, c'est Stromae. Il est fou, hein. Écoutez, il est fou. Écoutez. Les hommes et tous les mêmes, macho métu, monde maudit est infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites, avec de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla, mais non, non, non, c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternelle. Moche ou belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Bon, c'est mieux que DJ Fou quand même, Stromae. Ah bah c'est clair, attends, ouais. Tous les mêmes sur la première. Les doses tous les mêmes. Grand matin, ça continue juste après ça. Ah oui, j'aime bien moi. Ah, ça y est, elle recommence. Les doses. Un petit coup de rire. Allez, dis les gaillards. Les gaillards. Ah voilà, c'est bien, c'est chou. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Première. Et comme chaque matin à 7h, on a décidé de vous faire plaisir si vous êtes adepte du principe 5 fruits et légumes par jour. Ça va vous faire plaisir, certainement, d'avoir un bon de 20€ chez Espace Fraîcheur pour aller acheter ce que tous vous les voulez. Fruits, tous les légumes que oui. Vous voulez. Vous faites une razzia, enfin pour 20€, hein. Bah c'est oui. Déjà pas mal. Bah, une razzia de 20€, c'est voilà. Pas mal quand même. Comment on fait? Eh ben on appelle tout simplement le 02 62 99 2000, faut être rapide, faut sauter comme ça. Allez, sur son appelez, téléphone. Appelez, standard 02 62 99 2000, standard, ouvre-toi. Je vois qu'il y a du monde standard, déjà. Standard, ouvre-toi, on va où? On va à Saint-Denis. Ah, bien. Allez. Je vois une demoiselle. Ouais, je crois que c'est une demoiselle. Elle ouais, doit dirait, s'appeler ouais. Laurine. Voilà, c'est ça. Laurine. Bonjour Laurine. Coucou Laurine. Ça va, Laurine, la petite voix du ça matin. Ça va, merci. Ah oh, oui, la voix, elle est encore bien ramassée dans allez. Le fond, la gorge là-bas. Oui. Dieu, ce matin. Aïe, ah oui, en plus, grippée. Alors là, comme oui. ça arrange pas les choses. Laurine, ce matin, c'est la rentrée? Oui, c'est ça. On va faire quoi ce matin, alors? On va aller travailler, comme beaucoup de gens, je pense. Comme bah, beaucoup oui. de gens. Dans quel domaine? Dans l'éducation, mais comme assistant d'éducation dans un lycée. Oh, okay. D'accord. Ok, très bien. Bon. Ça a l'air de vous motiver, dis donc. Ouais. Bah oui, quand même. Retrouver les élèves, c'est bien. C'est chouette. Bon, c'est bien. Bah, oui. Assistant d'éducation dans un lycée, c'est ça? On est d'accord. Laurine, dans une heure, je pense qu'elle sera bien réveillée. Ah, oui. Il suffit de 5 fruits et légumes par jour. Par normalement. Exemple. Bah oui. Laurine, on va vous offrir tout de suite la possibilité d'aller remplir votre panier. D'accord? D'accord, bah merci. Voilà. Comme de ça, fruits, de légumes. Comme ça, tous les matins, un bon jus d'orange. La pêche. Et la pêche ensuite. Ok. Ok, merci. Ok, Laurine, on fait des bisous. Bisous. On vous souhaite une bonne journée. Bonne rentrée à tout le monde. Merci, bonne rentrée à vous, Laurine. Et on se réveille, hein. Allez, allez, et puis, là. Oui. Et puis, Laurine, maintenant, laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Bien sûr. Tatane Omega. Aïe, aïe, quelle transition, mon Dieu. C'était excusez-moi, tout pourri. Excusez-moi, je sors, j'y vais. Pourri. Bon réveil. Je sors. Pourri. T'es pourri. J'aime quand on suit la cadence. Mais j'aime quand on garde le sourire et on danse. Quand mes gardes à haut, quand mon corps est lancé. Mais j'aime quand on suit la cadence. Mais j'aime quand on garde le sourire et on danse. Quand mes gardes à haut, quand mon corps est lancé. En finesse, le temps brûle fait bouger tes fesses. Milo, oh, en vitesse, agressive en mode de tigresse. Yeah, yeah. Mais sans envie de bouger, elle a envie de danser. Gal, laisse-toi aller. Toujours là pour moi demain. Henriette, où est-ce est là pour mon taou, avance pas tout seul. Pour couper taille à nous, donc baby girl, see you, le docile, le love, oui, nous n'en a. Demande l'affection, nous n'en a. Fais mon gaïa, on est là ensemble, ouais. Y'a pas parce qu'on faut le temps d'asseoir. J'avoue, c'était pourri. Enfin, ce qui n'est pas pourri, c'est ce que vous propose chaque matin Prisca sur les marchés. C'est 100% fraîcheur. Non, hein, c'est tout bio, tout frais. On y va ? Allez, c'est parti. Allez, on file au chaudron. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Et Prisca, on a bien vu sur le Facebook de grand matin les gâteaux, patates, patates, betteraves, tout ça là. Que ça vous propose à nous ce coup-ci ? Eh bien, écoutez, en exclusivité, aujourd'hui, vous allez connaître la date. En exclusivité mondiale, vous allez avoir la date d'arrivée des premiers litchis sur les marchés de la Réunion avec Jean-Hugues. Jean-Hugues, d'ailleurs, il est en train de me tendre son téléphone et me montrer une photo. Jean-Hugues, c'est votre verger, ça ? Bonjour. Oui, c'est mon verger. Ça, c'était l'année dernière, par contre. L'année dernière. Oui. Alors, quand est-ce qu'on va pouvoir goûter à ce fameux fruit rouge cette année ? Il faut que le temps reste chauffe un petit peu. Apparemment, hier, on en parlait déjà sur le marché forain de Sainte-Suzanne. Il semblerait que cette année, il va y avoir beaucoup de fruits et beaucoup de litchis, beaucoup de mangue. C'est normal. Pourquoi ? Parce qu'il a fait froid, c'est tout. Parce que les litchis, il faut 8 semaines de fraîcheur, moins de 17 degrés. Et elles ont gagné 10 semaines de fraîcheur, moins de 17 degrés. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fleurs. Donc tout va bien pour le consommateur de fruits pays, là. Oui, il n'y a plus comme qu'il faut. Tout le monde est content. Alors, c'est quand la date ? C'est quand la date des premières litchis ? Je pense que ce sera... Ben, le 15 novembre. Ou la même diamantella, peut-être que le 1er novembre... Mais ça sera pas bien mieux, le 1er novembre. Ça sera demi-mieux, mais il y en aura peut-être. Pour les premières mangues J'en aurai là dans un mois et demi, comme ça. Dans un mois et demi, on va savourer les premières mangues de la Réunion. 15 octobre, oui. Bon, à savoir que les mangues carottes sont déjà arrivées sur les marchés. Moi, j'en ai vu la semaine dernière. Mais bon, il faut mettre la main au porte-monnaie. C'est 5 euros le tas. 5 euros le tas, mais après il y en aura. Mangue-carotte, oui. Il y en a 3 dans le tas. Oui, il y en a 3 ou 4. Mais après c'est bon marché après. Merci Jean. De rien. Parce que les Américaines, ce sera pour fin octobre, début novembre aussi. Il y en aura pas mal. En tout cas, il y a d'autres nouveautés ce matin, Isa et Mickaël. Ouais. Il est temps de vous présenter ces deux nouveautés. Ça vous dit quelque chose ? La côte de blette colorée ou l'oseille marbrée. Vous avez déjà goûté à ça ? L'oseille, on sait ce que c'est, mais alors l'oseille marbrée. L'oseille marbrée, c'est pas un gâteau. Quoi, ça, Fabrice ? Bonjour. Bon appétit. Merci, je suis en train de manger une goyave. Une goyave. Le matin, vous allez bon passant. Il n'y a pas des habitants dedans. Non, les habitants y à côté. Alors, c'est quoi cette fameuse oseille marbrée là ? Ben, c'est un aromate. Parce que normalement, il y a plusieurs variétés d'oseille. Avant, je faisais l'oseille de Belleville. C'est grand, ça a moins de goût. Tandis que celui-là, c'est petit, c'est plus concentré. Ouais. Et c'est marbré de rouge. Donc, dans des petites composées de salade, vous mettez des petites feuilles, ça donne du goût. Ça donne de la couleur aussi. De la couleur, du goût. Et après, vous pouvez faire en pesto comme le basilic. Vous prenez l'huile d'olive, vous mettez un jus de citron par rapport que sinon ça va oxyder le jus. Ouais. Vous mettez du sel et vous mettez au frigo quand vous avez besoin de faire une papillote de poisson ou grillade de poisson ou une marinade. Vous ajoutez juste sur la fin. Ça donne un goût fantastique. Ah, c'est une bonne idée, sinon, ça. Pâtes. Les enfants, ils adorent les pâtes. Hein. Ouais. Pâtes pesto avec l'oseille marbrée. C'est un délice. Merci on parle Fabrice. Déjà du repas du midi. Attendez, on a le temps de donner la petite recette de Fabrice ? Allez, après, vous mettez des verrines, des légumes de salade, des dés de concombre, des dés de cerise en couleur, et vous mettez du saumon et vous mettez ça dessus. C'est extraordinaire. Ça prend même pas 5 minutes à préparer. Hein. Wow. Et d'ailleurs, l'oseille marbrée sera dans le panier garni qui sera gagné tout à l'heure à 8h15. Allez déposer le marmaille à l'école. Venez nous rejoindre sur le marché forain du Chaudron avec ce mot de passe. et le panier garni sera pour vous. Rendez-vous tout à l'heure. Ah, tout à l'heure, Prisca. Merci, Prisca. Vous nous faites saliver chaque matin. C'est... Merci, Fabrice. Oui, le mot de passe, on va vous le redonner, vous inquiétez pas. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Ma faim. Ouais, moi aussi. Voici Stouche avec Lockdown. Ensuite... Et après l'inforoute avec Jean-Claude Machia. Et puis l'actu qui arrive avec Cécile Thomas, 6h30. Le girls band londonien, les Stouches. Stouches. Pas Stoche-Toche comme à l'époque, les Bratislava, Stouche. Jean-Claude, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, on n'est pas malade, on n'a pas de problème, tout va bien. On va se soigner. Et sinon, la route, Jean-Claude. Sinon, ça y est, le pont est ouvert. La circulation pour l'instant, il n'y a que deux voitures qui sont passées donc dans le bon sens, de 6h30 à 14h30. Donc on circule en provenance de l'église de la Délivrance vers Saint-Denis. Et à partir de 14h30, ce sera le sens contraire, eh bien de Saint-Denis vers la Délivrance uniquement. Donc on verra bien ce que ça donnera au cours de la journée. En tout cas, côté circulation, ici c'est encore fluide. Il en est de même sur la route du littoral et ça coince à la hauteur des Potences déjà ce matin pour venir vers le Barachois, dans Castel-Léopold-Rambaud. Dans l'autre sens, nous sommes toujours ralentis au niveau de Sainte-Marie pour aller sur Saint-Denis. Vous êtes tout aussi nombreux au niveau du viaduc de Saint-Paul et dans le bas des rampes de Plateau-Caillou. Là aussi, la circulation commence à se densifier. Dans l'est, giratoire de la plaine, Bracanote, eh bien, ça y est, ça commence à se remplir pour aller vers Saint-André. Et pour l'instant, ça circule encore sur Saint-Pierre. Alors, patience, prudence et bonne route à vous. Merci Jean-Claude. Rendez-vous dans 10 minutes, 6h30 sur la première. Le journal de la rédaction est présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Tous en classe. Les cartables sont prêts cette fois. Le compte à rebours est lancé. C'est la rentrée. Nous avons suivi des marmailles moyennement motivées, des professeurs déjà au travail. La sécurité est au cœur de cette rentrée. Nous en parlerons également. À 7h15, Velayudom Marimoutou, le recteur de l'académie, sera l'invité de Réunion Première. Le gourou présumé de la secte Marie Porte du Ciel remis en liberté, mais Augustin Valencourt sera jugé. Nous reviendrons sur ce qui lui est reproché à lui et à ses proches. Ils auraient profité de la crédulité de pas moins de 800 personnes. Et puis nous reviendrons sur la fête du cinéma. 4 jours de séance après Cassé, c'est toujours un succès. Ambiance à Saint-Paul à la fin de ce journal. C'est mercredi aujourd'hui et c'est la rentrée des classes. Toutes les communes de Lille ont opté pour cette matinée plutôt que le samedi en primaire, comme chaque année. Cette rentrée est échelonnée, tous les élèves ne reprennent pas le même jour. Le retour en classe, ce sera bien ce matin pour Lucas et Méline. Hier soir, ils étaient presque prêts à affronter la rentrée au groupe des Badamiers au Moufia. Le reportage de Jean-Paul Mélade. Lucas et Méline rentrent tout juste du cours de rattrapage. En attendant maman, leur père prépare le carré du soir. Lucas, 11 ans, avoue être un peu stressé pour son passage en CM2. Avec deux profs, ce sera très très dur. Parce que quand j'ai redoublé, j'avais deux maîtresses et c'était à cause de ça. C'est pour ça que j'ai peur. Sa cadette, 7 ans, n'est pas pressée de passer en CE1. J'aime pas trop l'école parce que qu'il y a des devoirs, je ne sais pas trop faire. Malgré tout, Méline a déjà préparé le cartable avec comme dessin... C'est la Reine des Neiges. Il y a sa sœur et la sœur de Elsa et Anna. À l'intérieur, elle y a mis... Il y a mes deux trousses, mes petits cahiers, le chiffon pour essuyer l'ardoise et mes grands cahiers, papier dessin... Mon fichier et mon classeur. Lucas n'a pas encore préparé son sac à dos, mais il sait ce qu'il va mettre. Mon jeans noir, mon t-shirt blanc et noir New York, mon pull Gap, mes nouvelles baskets noires, blanc et noir. Une casquette. Non, pas de casquette. Ce matin, réveil vers 6h, petit déjeuner avec leur mère Valérie, puisqu'Éric, le père, part travailler tôt. Ensuite, départ vers 7h30 pour éviter les embouteillages. Et bonne rentrée à tous ceux qui aiment et à ceux qui n'aiment pas l'école. Ce ne sera que lundi prochain pour les élèves de l'école maternelle et primaire de la Cressonnière à Saint-André. Les travaux lancés dans l'établissement ne sont pas terminés. L'état des locaux ne permet pas d'accueillir les marmailles ce matin. Rentrée reportée donc à lundi prochain. Eux ont choisi de rester à l'école toute leur vie. Ils ont fait leur pré-rentrée hier. Les enseignants sont 16 000 à La Réunion. Suzette Emma a suivi hier ceux qui travailleront dans la nouvelle école de Ravine Blanche à Saint-Pierre. Les élèves à prendre en charge. Autour de la table de travail, 18 enseignants, dont le directeur. La plupart se connaissent. Ils ont déjà travaillé ensemble. Cette première journée servira surtout à faire la répartition des classes, des effectifs pédagogiques, établir un planning des surveillances, le tout articulé autour du maître mot, la sécurité. Patrick Begg, directeur de l'école Jean Jaurès. Le gros problème qu'on rencontre cette année, c'est qu'ayant une école toute neuve avec autant de places, nos effectifs de classe ne sont pas encore fixés. Et je pense que déjà depuis ce matin, on a déjà une quinzaine de nouveaux inscrits dans l'école, donc les listes sont appelées à évoluer. Des inscriptions qui se font jusqu'au dernier moment et même en cours d'année scolaire. Après la première réunion, et il y en aura deux, les enseignants rejoignent leur classe. Thierry Cordenos, professeur des écoles, encadrera 25 élèves de CE2 cette année. Oui, enfin, notre préoccupation première, c'est justement d'installer nos classes puisque c'est une nouvelle école. Et donc, on nous a tout livré en vrac, en gros, et on doit faire avec. Donc, on doit tout ranger pour pouvoir les accueillir correctement. Ça, vraiment, c'est notre préoccupation de la journée. On a tous les cartons à vider, à voir ce qui colle pas, etc. En référé à monsieur le directeur. Justement, il manque une armoire dans la classe des CE2. L'enseignant attendra un peu, parce que si l'école est belle, dit-il, il faut surtout qu'elle soit fonctionnelle. Suzette, Emma, on l'entendait dans le reportage, la sécurité, c'est l'une des priorités des établissements et en raison de la menace terroriste, le mot d'ordre est de renforcer les contrôles à l'entrée des écoles, collèges et lycées. Au-delà de cela, il est prévu de mener de nouvelles actions pour dépister les éventuelles radicalisations d'élèves. Les explications d'Éric Coulot, proviseur à la vie scolaire. On a formé l'ensemble des chefs d'établissement, des infirmières et des assistantes sociales sur ces questions de prévention de radicalisation. Et dans ce cadre-là, effectivement, on a mis en avant que c'est souvent par le biais d'Internet que les radicalisations se faisaient maintenant auprès des jeunes et que c'était souvent à travers la mise en place de la théorie du complot qu'on appâtait les jeunes et que progressivement on les amenait à se radicaliser ultérieurement. Donc c'est cette démarche-là qui est importante à connaître pour pouvoir travailler dessus avec les jeunes pour qu'ils comprennent bien les différentes étapes en sachant en plus qu'ils vont être ciblés en fonction de leur personnalité. Les pistes, c'est tout simplement travailler avec les parents, leur demander de rester vigilants, de se mettre en contact avec la communauté éducative si des fois ils ont des doutes par rapport aux enfants, d'appeler les numéros verts s'il y a besoin, et puis de ne pas hésiter à regarder un petit peu, à s'intéresser aux réseaux sociaux sur Internet de leur enfant pour voir si tout est clair à ce niveau-là, on va dire. Éric Coulot, proviseur à la vie scolaire, répondait à Nadine Bachelot. Et nous reviendrons sur la rentrée scolaire avec Velayudom Marimoutou, le recteur de l'académie. Il sera l'invité de la matinale ce mercredi. Il répondra aux questions de Philippe Dornier dès 7h15. 6h36 sur la première. La suite du journal, Cécile Thomas. Le gourou présumé de la secte Marie Porte du Ciel a été libéré et placé sous contrôle judiciaire hier. Augustin Valencourt est libre en attendant son procès. Il a été mis en examen pour abus de confiance, suggestion psychologique et blanchiment d'argent. Il aurait récolté plus de 3 millions d'euros grâce à son groupe de prière. La secte était installée au 17e kilomètre au tampon. Rappel des faits avec Michel Ozou. Augustin, le présumé gourou de la secte, retrouve la liberté 5 mois après son épouse. cause. Il a fallu plus de 2 ans d'enquête pour mettre à jour l'affaire dite de Marie Porte du Ciel. Une association gérée par un couple domicilié au tampon. Un ancien policier et sa compagne enseignante à la retraite, ils profitaient de leur emprise sur les adeptes pour leur soutirer de l'argent. La faiblesse des fidèles aurait rapporté plus de 3,5 millions d'euros de bénéfices à la secte dirigée comme une véritable entreprise. Dans la famille, 2 autres membres auraient profité des oboles de ces fidèles manipulés, dont le fils, curé au chaudron, mis comme sa sœur en examen notamment pour abus frauduleux. Voyage autour du monde, voiture de luxe, un train de vie hors du commun, financé par quelques 800 personnes crédules qui voyaient en Marie les portes du ciel pendant des années. Michel Ozou, plus légèrement, retour sur la fête du cinéma. Les 2 groupes spécialisés à La Réunion l'ont célébré entre samedi et hier, mardi. Succès garanti dans toutes les salles à 2 euros ou 2,50 euros la séance. C'est comme ça que les vacances se sont terminées pour certains, enfermés dans une salle obscure. Hubert Debeu. 14 000 personnes en 2 jours, 95% de sièges occupés. La fête du ciné à Cambay s'est taillée un beau succès cette année. C'est vrai que ça valait le détour. Fred a emmené sa femme et ses 4 grands-enfants. Au prix normal, il aurait payé 54 euros. Là, il s'en est sorti pour 15 euros. Très intéressant. Surtout pour les familles nombreuses, comme nous le sommes. Sinon, vous ne seriez pas venu ? Si, mais moins nombreux, à deux ou à trois. Yves Etève, le patron du ciné Cambay, en est conscient. C'est fait pour ça, d'ailleurs. Hein. Pour ceux qui n'ont pas, pour diverses raisons, les moyens de voir les films au courant de l'année. Et en même temps, on peut être ado ou adulte et aller voir Le Livre de la Jungle. Vivre dans la jungle avec des animaux et des loups. Et il y a comme un tigre qui veut dévorer cet enfant. Qui avait un enfant qui était abandonné dans la jungle. Et le ciné a toujours la cote pendant les vacances d'hiver australes. Chez nous, en tout cas, ça a été extrêmement positif parce qu'on a un peu galéré certaines périodes avec les problèmes que vous connaissez, ici et là, au niveau de la peur des gens de sortir. Aujourd'hui, c'est l'école, elle n'est pas à tarif réduit et ce n'est pas du cinéma. Un reportage d'Hubert Debeu. Un dernier mot sur Rio et les JO. Bravo aux filles du handball français qualifiées pour les demi-finales du tournoi olympique après avoir battu les Espagnols hier dans les prolongations 27 à 26. Nos envoyés spéciaux nous ont dit que c'était un match fou. Les garçons et Daniel Narcy joueront leur quart de finale face au Brésil ce mercredi. On suivra également aujourd'hui Cindy Billot. La réunionnaise est qualifiée pour les demi-finales du 100 mètres haies. Merci Cécile. À tout à l'heure. Et là, vous allez tout savoir de la météo pour ce mercredi. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Eh bien aujourd'hui, ce sera beaucoup plus nuageux dans les hauts, surtout dans l'est. Oui, comme souvent ce matin, comme tous les jours. Les plaines et le volcan sont pris sous la grisaille. Le littoral est, lui aussi, a quelques nuages, donc il aura du mal à se débarrasser. Mais les éclaircies vont venir quand même au fil de la journée. Soleil majoritaire partout ailleurs. Soleil un peu moins présent donc cet après-midi sur les hauts, dans les cirques. Il pourrait quand même faire son apparition par moment, mais sur la couronne des hauts à mi-hauteur. Notamment entre la Possession et Trois-Bassins et de l'autre côté sur les plaines de l'Est et même d'ailleurs sur les hauts du Nord, on devrait avoir quand même plus de grisailles. Les éclaircies, il faudra aller chercher cet après-midi donc sur le littoral et plus d'ailleurs sur l'Ouest et le Sud-Ouest vers Saint-Pierre qui sera venté avec des rafales de 70 km/h. Température maximale jusqu'à 27 degrés sur les plages. Il fera encore frais dans les hauts et notamment seulement 13 degrés au volcan. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ce sera plus facile d'aller choper du Pikachu ou du Pokémon que des éclaircies? Parce que vous avez peut-être vraiment raison en fait. Pokémon Go. Allez, go. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Jean-Claude Machia, vous êtes sur le front de mer de Saint-Denis. Oui, avec cette circulation qui reste toujours aussi dense dans les 2 sens de circulation maintenant, ça reste encore assez roulant. Hein, une fois que vous êtes à l'entrée ouest et que vous avez dépassé la rue Jean-Châtel pour aller en direction de Sainte-Marie, puisque Lancastel, Léopold, Rambaud sont encore fluides, mais dans l'autre sens, Pont-Pasteur, vers le Varachois, la circulation est très dense. Sur la route des Tamarins, eh bien, on est sous le tunnel de la tranchée couverte de Saint-Paul en direction de Saint-Denis, dans les rampes de plateau Caillou, on commence déjà à voir les premiers frémissements de ralentissement dans cette descente, et vous êtes tout aussi nombreux sur la chaussée royale qui reste encore assez roulant. Mais les petits ralentissements en provenance de Sillaos au niveau du giratoire à la Palissade pour aller vers le centre-ville de Saint-Louis, et dans le sud, on commence à voir nos premiers ralentissements sur le pont de la rivière d'abord. Vous voyez, c'est très tôt déjà ce matin pour ces ralentissements. Certainement que ça va se compliquer encore, mais d'autres infos dans d'ici un petit quart d'heure sur Saint-Pierre. Merci Jean-Claude qui, lui, bien sûr, nous retrace l'histoire des routes et tout ce qui s'y passe toute la journée, tous les quarts d'heure, et qui n'a pas le temps de rechercher des Pokémon. Pour le coup, il n'a pas le temps. Non, tiens, pour ceux qui suivent les JO, ça se passe sur Réunion Première en télévision jusqu'à 7h, et actuellement en basket féminin, la France et le Canada sont au coude à coude. Il y en a une 52. Qui a perdu sa chaussure, disons, pendant le match. Oui, c'est un match âpre. Bien disputé, ce match entre la France et le Canada. Donc on suivra ça de très près. C'est au JO, à Rio, avant 7h, 6h50, comme tous les jours, la une de la presse avec Cécile Thomas. Exactement. On ira voir aussi une jeune professeure, ça sera l'appel réveil à chaque matin. Exactement, elle fait sa rentrée, elle aussi, aujourd'hui, pour la toute première fois. Chaque matin, on réveille les Réunionnais, comme toute ça, c'est, première c'est fois, dans l'appel réveil. Toute première c'est un peu fois, ça. Alors, est-elle stressée ou pas? On saura un peu plus avec elle dans un instant. Ouais. Et puis, avant, bien sûr, forcément, le retour. Retour. Il retourne, maintenant. Le litchi, il revient. Le Zambrocal quotidien. Avec le premier jour d'école. Forcément, aujourd'hui. Ah oui, on va en parler. Les jours de rentrée, les familles sont aussi réglées qu'une brigade du RSMA. Levée de bonne heure, douche, petit déjeuner, tout s'enchaîne. Les enfants portent leurs plus beaux vêtements qui seront salis dès la première récréation. Sergio, mets tout de souliers, m'y vais, évite l'embouteillage. Genre, que où sortent 6h ou 7h, la rentrée n'aura forcément l'embouteillage. C'est une journée noire sur les routes réunionnaises, niveau 8 sur l'échelle Yves Gruyer. Le niveau au-dessus, c'est une grève de la SRPP. Tout chemin l'est bloqué. Ou finira, comme nous toutes, dans l'embouteillage et écoute la radio qui parlera de la rentrée et des embouteillages. Histoire de bien faire comprendre à haute misère. Arrivé à l'école, après la découverte de la classe, le banc de maman il est plus ou moins excité, le banc de parents il est ému et les enseignants y analysent les enfants dans notre classe pour repérer les potentielles têtes piquées. Et là, au plus fort de l'émotion, la maman 2.0 accro à internet, il prend une photo de son banc de maman pour mettre sur Facebook. C'est adieu, Marima, regarde maman, il fait un moins sourire. Le banc de maman est sapé comme jamais, il est en mode tranche papaye. Et le moment, il rajoute sur Facebook « Premier jour d'école pour C'est adieu et Marima, je suis tellement fier de mes deux bouts de chou ». Et voilà comment, à chaque rentrée, mon fil d'actualité Facebook est gavé de photos des enfants. Alors, juste un truc, chers parents. Pour toutes ces photos, vous avez les remerciements de votre copain du collège devenu à 30 ans un pédophile. Attends, mais c'est l'euro-million la rentrée pour ce gars. Des centaines de photos de marmailles gratis. Pour aider à aller encore plus, précise aussi dans quelle école votre enfant il est et à quelle heure a-t-il fini aussi. Quoi, il est dégueulasse de dire une affaire pareille. Mais m'y fait de la prévention au moins. M'y dit ça pour le bien de ma marmaille. Moi, le photo de ma rentrée scolaire l'a resté dans le cercle privé familial. Aucun pervers, à l'exception peut-être d'un oncle éloigné qui est tombé dessus par hasard, n'a jeté un œil sur la photo de mon premier jour d'école où je suis tout mignon et souriant avec mon petit cartable. D'ailleurs, je n'ai pas souri longtemps ce jour-là, parce que 5 minutes après, j'ai compris l'arnaque. Attends, il faut que je revienne ici tous les jours? Pendant minimum 15 ans? Et c'est obligatoire, c'est la loi? Du coup, aujourd'hui, il est solidaire avec le marmaille qui pleure devant le grillage d'école. Parce que Lille, il a compris que l'entraîne fout à Lille la jolle. Maman, laisse pas moi t'es là. Où fera au ben camarade l'école? M'a pas besoin camarade, minéna à la télé. Mais où apprendra des choses importantes pour qu'on sera grand? Comme remplir un dossier pour Pôle emploi? Non. Eh bien, à quoi ils servent l'école alors? Ils servent à ce que maman n'est pas responsable des futurs échecs qu'on aura d'autre vie, ou pourra aussi accuser au ben prof. Le Litchi, chaque jour à 6h40 sur Première. C'est coup de savate, comme d'habitude, le premier jour d'école vu par le Litchi. Et une petite pensée pour tous les parents, pour qui ça va être aussi très difficile de déposer pour la première fois le Litchi Marmaille à l'école. Et ne soyez pas complexés, faites des photos Facebook, on s'en voudra pas le Litchi que vous retrouvez. Et si vous êtes triste et que vous pleurez plus que votre Marmaille, c'est normal. Le Litchi qu'on retrouve donc entre 16h et 18h dans le bon tempo, et puis bien sûr sur le web, sur sa chaîne YouTube. Ça m'aime. À tout de suite. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Tu es étudiant ou jeune actif? Tu cherches un stage, une formation, un emploi, une bourse, un logement? Tu veux te faire un réseau? Toutes les réponses à tes questions sont au Campus Outre-mer, le 3 septembre de 10h à 22h, dans le jardin du ministère des Outre-mer à Paris, avec le village, les ateliers, le prix des trois océans et le concert. Samedi 3 septembre, tous au ministère des Outre-mer. Plus d'infos et inscriptions obligatoires sur www.campusoutremer.org. Première. Et continuez à nous lancer vos photos de petit déjeuner si vous le prenez en ce moment dans la voiture ou ailleurs. Bah oui, on salue Jean-Bernard qui nous a envoyé sur Facebook. Hein, on aurait dit un petit déjeuner l'hôtel. Ouais. Ah oui, oui, c'est vrai. Et la page Grand Matin, vous likez aussi la page Grand Matin et vous envoyez vos photos à la clé nuit d'hôtel avant la fin de la semaine. Freedom to us has always been a trick. Freedom to you has always been whoever landed on your dick. Seen it in you one too many times. Said you might trick me once. Won't let you trick me twice, no. Might trick me once. I won't let you trick me twice. Those days are old and overdone. And it's only cause I'm not with you that you make me number one. Though I may love you, it hurts me deep inside. And now you no longer have to hide. I used to be down with the late night hit. Started getting heavy when I really wasn't ready. Used my past to get my mind. So I fell for your lines like all the time. Thought you were the shit to be playing around. Qui aiment l'exotisme et qui partent peut-être, je sais pas, en voyage après les autres, Kélis, eh bien elle n'a pas disparu complètement comme de la circulation. Later. Non, Kélis, tout simplement. Kélis avec un S à la fin. Elle sera au Vietnam le 27 août prochain. Ouais. Bon, on est contente pour elle. À Da Nang, voilà, en concert. Oh, voilà, bah, de la chance. Trick Me, c'est le titre phare de Kélis, après on l'a plus trop revu. C'est ça, un petit tour. Et puis s'en va. Bon, bonne nouvelle pour la France qui mène donc 58-55 dans le quart de finale de basket féminin actuellement. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, peut-être une place en demi-finale. Ma chère Isa. 6h50, allez, les bleus, Michael. Les unes de la presse avec Cécile Thomas. Et on commence par le quotidien, Cécile. Une rentrée sous le signe de la sécurité, écrit le journal. Risque d'attentat, l'école s'adapte. Autre titre, au tampon à faire Valencourt, le gourou présumé sort de prison. Emploi d'avenir, 1500 contrats bientôt à échéance. Et après, s'interroge le quotidien. Tour d'Espagne cycliste, Manzin rêve d'une victoire d'étape. Et puis au JO de Rio, en voile, Noé Delpech n'aura pas de médaille. En 100 mètres haies, la réunionnaise Cindy Bio est en demi-finale. La rentrée scolaire et la sécurité également, une du journal de Lille. Des policiers, des gendarmes et des Pokémon, titre le GIR avec un petit dessin de Pikachu en prime. À partir d'aujourd'hui, les contrôles de sécurité sont renforcés dans les établissements, mais une bonne partie des élèves pensent surtout à chasser Pikachu. Autre titre sur la secte Marie Porte du Ciel, Augustin Valencourt retrouve la liberté à Saint-Denis. Il se présente tout nu au tribunal. Mais oui, succession de Sudel Fuma, l'historienne nantaise contre-attaque. People, Valérie Beg, une love story à Dubaï. Le GIR l'avait remarqué. Et puis au JO, Marine Boyer, une étoile est née. Un coup d'œil à la presse nationale, le terrorisme et l'inquiétant retour des djihadistes français en une aujourd'hui, d'aujourd'hui en France. Alors que le groupe État islamique recule depuis des mois en Syrie et en Irak, des spécialistes du renseignement prédisent un retour massif des djihadistes français dans l'Hexagone. Autre titre sur les JO de Rio, l'heure de vérité pour les Bleus, l'équipe de basket et la star Tony Parker affrontent l'Espagne, leur meilleur ennemi, en quart de finale. De leur côté, les handballeurs français rencontrent le Brésil. De la politique en une du Figaro. Primaire à droite, la veillée d'armes des candidats, écrit le Figaro. Les prétendants à l'élection présidentielle de 2017 s'apprêtent à réunir leurs troupes pour se lancer dans la dernière étape avant le scrutin des 20 et 27 novembre. Cet autre titre en une du Figaro aujourd'hui, en France, la plaisance ne connaît pas la crise. Pour la première fois depuis la crise de 2008, les ventes de bateaux sont en hausse. Les immatriculations ont progressé de 1,8% au cours des 10 derniers mois. Un petit bateau, Isabelle. L'édito du journal Le Monde est consacré aux musulmans. Pourquoi il faut entendre les élites musulmanes de France, titre le journal, médecins, avocats, chercheurs, patrons. Après les attentats, ces Français musulmans veulent peser dans les débats publics. Le Monde publie une sélection de leurs tribunes. Rendons visible un islam de connaissance, écrit l'astrophysicien Abdallah Kiderdoni. Alors que Libération consacre sa une au burkini. Polémique, les dessous du burkini, écrit Libé après les arrêtés municipaux visant à interdire le port du maillot islamique. Libération décrypte les origines de ce costume de bain et sa réception en France. Autre titre, Benoît Hamon, je peux gagner la primaire à gauche. Benoît Hamon est candidat depuis hier. On termine avec L'Équipe et ce titre, l'argent du bonheur. À 37 ans, Mélina Robert Michon décroche la médaille d'argent au disque, magnifique consécration d'une longue carrière. En photo, l'athlète qui savoure sa médaille. Elle était venue à La Réunion il n'y a pas très longtemps, à Saint-André, handball, bleu et merveille, titre L'Équipe. Les Françaises ont battu l'Espagne 27-26 et se sont qualifiées pour les demi-finales à l'issue d'un match fou. Reportage à 7h30 dans notre édition. Merci locale. Cécile, à tout à l'heure. Et comme chaque matin, 6h54, l'appel réveille. Exactement. Et qui là, va-t-on réveiller ? Et là, 7h moins 5, le stress monte pour les élèves. Ils seront 224 350 ce matin à regagner l'école. Et puis, il y a 16 000 enseignants. Oui, hier, c'est la pré-rentrée. Ça d'ailleurs, hein, la rentrée des professeurs. Parmi eux, ceux qui vont faire leur baptême de feu aujourd'hui avec nous. Rentrée. Eh ben oui. Hey, c'est pas rien. Hein. Bah non. Une jeune professeure qui a eu son concours dernièrement et qui donc va faire cette rentrée en ce mercredi 17 août. Karen est avec nous. Bonjour Karen. Bonjour Karen. Bonjour à vous. Le réveil s'est bien passé. Ça va ce matin? Oui, ça va. On est pressé d'arriver à l'école et de voir rencontrer les élèves, etc. Quoi. Bon, on imagine. On a bien dormi ou c'était une nuit un peu compliquée quand même? Finalement, j'ai très bien dormi, donc je pense que comme la rentrée est bien préparée avec justement ma collègue, bah tout se passe bien pour le moment, donc là ça va encore, on verra tout à l'heure. Est-ce que cette première rentrée, Karen, vous l'êtes faite déjà dans votre tête, vous avez déjà imaginé le bon moment, ce qu'il ne faut pas rater, cette première impression que vous allez faire sur les élèves, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans votre tête quand vous pensez à cette rentrée? Bon, déjà, on prépare un peu ce qu'on va faire, les activités avec les élèves, les présentations, etc. C'est sûr qu'il y a toujours un petit peu d'appréhension le matin, mais bon, en général, ça se passe bien. Si on voit à peu près qu'est-ce qu'on va faire, le déroulé, etc., bon, ça devrait bien se passer. Et puis, s'il y a des imprévus, comme on dit, la principale qualité de l'enseignant, c'est la polyvalence. Donc, s'adapter, et voilà, quoi. Eh ben, vous avez déjà bien appris la leçon, apparemment. Tant mieux. Il faut bien se préparer, quand même. Alors, vous êtes apparemment énergique. Que vous avez envie de voir vos élèves et c'est bien et c'est normal. Mais est-ce que vous avez une peur quand même, une appréhension là, ce matin avant d'aller à l'école? bon, une appréhension, bon, on va dire peut-être la rencontre avec les parents, ouais, parce que c'est vrai, ouais, on est de jeunes enseignants. Mmh. Bon, moi j'ai déjà fait déjà plusieurs stages en école, donc je sais déjà qu'est-ce que c'est. C'est pas ma première expérience, on va dire. Mmh. Mais c'est vrai que quand on fait un peu jeune, bon, les parents doivent se dire, c'est pas sérieux, etc. Mmh. Alors que nous, on sait pas forcément ça. Hein. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas forcément la maturité pour faire ce travail. Ouais. Et puis voilà, de toute façon, on est suivi. Donc s'il y a un problème, vraiment. Voilà, il ne faut pas hésiter à en parler avec les jeunes enseignants, quoi. Et concernant le rapport avec les élèves, est-ce que ça s'apprend d'avoir de l'autorité? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que vous avez quelques trucs, quelques astuces? Ou est-ce que vous allez voir venir? Alors, pour l'autorité, c'est vrai qu'il y a plusieurs types d'autorité. Donc, il y en a certains qui dégagent déjà une certaine autorité dans la posture. Il y en a d'autres qui vont devoir apprendre à avoir une autorité parce que ce n'est pas toujours facile. Mmh. Surtout au début, comme ça, bon, les élèves, ils testent pour voir jusqu'à où ils peuvent aller. Donc, je pense qu'au début de l'année, donc, tous les conseils qu'on a eus, c'est surtout ne pas montrer qu'on est sympa, donc éviter de trop sourire. Bon, moi, c'est une de mes qualités, donc je vais essayer de pas trop sourire ce matin. Ouais. Mais ça va être difficile. Hein. Voilà, je vais essayer plutôt de montrer que bon, il y a une certaine discipline à respecter et que bon, il y a des règles à l'école. On vient pas seulement pour jouer, on vient pour apprendre, etc. Donc un peu d'autorité. C'est vrai, voilà, c'est important. Alors, comment cela se passe pour une jeune professeure qui rentre comme ça? Elle est lâchée complètement dans ses classes ou vous êtes accompagnée? Vous êtes accompagnée, oui. Alors, en fin de compte, là, cette année, le changement, c'est qu'on est par doublette, donc c'est-à-dire en binôme. Mmh. Donc, moi, je suis avec une collègue qui doit passer me prendre dans un instant, d'ailleurs. Ah, c'est chouette, ça. Donc, voilà, donc on est une semaine. Bon, là, au début, on est toutes les deux sur la classe, comme si on était à mi-temps, en fait. Ouais. Et puis, après, en fait, il y en a une qui commence toute seule. Mmh. Et moi, je suivrai la semaine d'après. Donc, une semaine sur deux, on est en classe. Ouais. Et la semaine où on n'est pas en classe, on va en formation en fait à l'école supérieure du professorat et de l'éducation. D'accord. Donc pour préparer un peu, enfin pour nous aider, pour nous suivre en fait. Ouais. Et puis on a bien évidemment les conseillers pédagogiques de circonscription qui nous visitent. On a des visites plusieurs fois à l'école pour voir si tout se passe bien. Vous avez du soutien. Nous, bon, voilà, vous avez du soutien et du suivi, c'est important. Vous rentrez... on vous suivra exactement tout au long de l'année, oui, Karen. Et vous rentrez exactement ce matin, l'école Les Camélias, en CE1, hein, c'est votre classe. Voilà, ma ouais, chère Karen. Ma classe, ce matin. On vous souhaite un bon courage. Et puis bonne rentrée à vous. Merci, c'est gentil. Et bon courage. Merci, à tous Karen. Mes collègues qui commencent ce matin également. Ouais, on vous laisse filer hein, parce que 7h, c'est pas loin là. Presque l'heure là. Voilà. Merci. Salut Karen. Ça va, merci. Bonne journée à vous, au revoir. Allez, des nouvelles du tiercé quartet quintet plus du jour. Exactement. Un quintet qui aujourd'hui va se courir à Enghien. Ce sera le prix de la Porte de Versailles. Départ prévu à 15h47, 16 partant, 2150 mètres à parcourir. Voici les pronostics de Pascal Maillot qui vous conseille le 3, le 13, le 11, le 4, le 2, le 5, le 7 et le 16. 3, 13, 11, 4, 2, 5, 7, 16. En cas de non partant, le 6. Les pronostics du fouineur du GIR partenaire Réunion Première, lui, il mise sur le 13, le 11, le 16, le 5, le 10, le 3, le 6 et le 7. N'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. Allez, comment cela se passe sur les routes de la rentrée, Jean-Claude Machir? Ça se passe plutôt bien. Alors là, je me situe devant les caméras de la direction régionale des routes. Je regarde un peu comment ça se passe sur l'ensemble du réseau routier. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le fait qu'il y ait un peu de monde, et beaucoup de monde du côté de Saint-Paul, après l'entrée ouest de Saint-Denis, en provenance de l'est, ça reste encore assez fluide. Alors le pic de la circulation devrait être demain, jeudi et lundi. Vous le savez aussi, avec les universités, les parents achètent des voitures ou alors prennent des appartements pour les enfants pour se rapprocher. Cela augmente le flux de voitures sur la route, mais pour l'instant ce n'est pas encore la grosse pagaille à laquelle on pourrait s'attendre. Ça reste encore assez roulant sur la route du littoral, puisque nous sommes juste au niveau du Cap Bernard pour venir sur Saint-Denis. Le pont Vincennes, par contre, lui est plein de moitié en direction de Belle-Pierre, et en provenance de l'est, ça reste très dense, mais pas encore de gros ralentissements pour venir sur la capitale. Alors patience, prudence, et bonne route à vous. Merci beaucoup Jean-Claude Machir. Il est 7h sur la première. Le journal est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Réveil difficile ce matin pour 224 000 marmailles. Ils font leur rentrée ce mercredi. Une rentrée échelonnée et surtout sous haute sécurité. Une série de mesures a été annoncée. Précision dans ce journal.

Une enquête va être ouverte après les raids aériens meurtriers qui ont touché un hôpital lundi au Yémen. Des investigations menées par la coalition arabe, également responsable de ces frappes. Deux membres de l'ONG Médecins Sans Frontières présents sur place ont été tués, ainsi que deux autres civils. Comme les handballeuses, l'équipe de France féminine de basket nous fait suer cette nuit à Rio, alors qu'en handball, les Françaises ont eu besoin d'une prolongation face à l'Espagne pour se qualifier en demi-finale. Les braqueuses, elles, sont toujours au coude à coude face aux Canadiennes pour une place en demi-finale. Il reste une poignée de secondes à jouer dans cette partie et les Françaises qui mènent 64 à 59. La délégation tricolore qui compte 29 médailles ce mercredi matin grâce aux 5 breloques remportées cette nuit et dans la journée d'hier. La dernière nous vient de la piste d'athlétisme avec le bronze de Dimitri Bascou sur le 110 mètres haies. La boxe a encore rapporté son lot de récompenses avec l'argent pour Sofia Noumia et le bronze autour du cou de Mathieu Boldéric. Du bronze aussi dans la baie de Rio pour le nageur Marc-Antoine Olivier. Et que dire de la performance de Mélina Robert-Michon au lancer du disque. Record de France pour l'Isaroise, mais surtout une médaille d'argent. Au programme des Bleus, aujourd'hui l'entrée en lice des experts. Les handballeurs français sont opposés au Brésil à 15h. Des Bleus toujours en lice pour un troisième titre olympique consécutif. Les basketteurs, eux, ont une revanche à prendre face à l'Espagne en quart de finale. Les Espagnols qui avaient battu la bande de Tony Parker il y a 4 ans à ce même stade de la compétition. Et puis il y aura aussi de la boxe avec une médaille assurée pour Estelle Mosselli en poids léger. La Française dispute sa demi-finale face à une Russe en début de soirée. C'est un peu l'or jaune en Lorraine, les fameuses Mirabelles. Les producteurs lanceront demain 5 semaines de cueillette. Tous espèrent récolter environ 8000 tonnes de fruits. Un peu en retard cette année, mais particulièrement juteux. Et la France qualifie pour les demi-finales de basket féminin au JO de Rio. La France qui vient de l'emporter 68 à 63 face au Canada. 7h12 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et Mickaël, pour ce mercredi de rentrée, les nuages sont surtout cantonnés sur les hauteurs aujourd'hui. Parce que regardez derrière vous, c'est plutôt bleu. Ça va, nuages là-bas, bien loin à l'est de l'île, entre Sainte-Rose et Saint-Philippe, sur le pourtour du volcan, on devrait quand même avoir un peu plus de gris. Sur une flopée quand même là. Il y a des nuages, mais ils devraient vite se désagréger sur le littoral est. Par contre, rester cantonné aux hauteurs de l'est, notamment les plaines, la plaine des Palmistes et le volcan. Et puis dans l'après-midi, les hauteurs de l'ouest seront concernées par la grisaille de la possession à trois bassins. Bref, Léo, un peu plus sous les nuages, le littoral, lui, conservera de belles éclaircies avec des éclaircies majoritaires. Même sur la région de Saint-Pierre, température maximale attendue entre 24 et 27 degrés sur le littoral et entre 12 et 18 degrés. Bon, faut se mettre d'accord, hein, 9 oui, ou 12 12 et 18 bon, degrés voilà. Sur les hauteurs de l'île. 12 notamment au volcan. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Comment ça évolue sur les routes, Jean-Claude Machir, vous êtes toujours à Saint-Denis? Oui, toujours à Saint-Denis, eh bien toujours en train de voir comment ça se passe sur l'ensemble de notre réseau routier. La bonne nouvelle, c'est que les travaux de la rue Auguste Babet du boulevard Hubert de Lille sont maintenant terminés. Donc cela devrait permettre une permettre que la circulation se fasse nettement mieux ce matin pour les ceux qui vont faire leur rentrée des classes. Et pour l'instant, sur la route des Tamarins, nous sommes toujours à la hauteur du viaduc de Saint-Paul, avec ce pont Vinsane toujours rempli de moitié. Sous la route du littoral, ça commence à se remplir, mais ça reste encore assez roulant, avec un premier ralentissement au niveau de la caserne de Lambert, voire à la sortie du tunnel. Et dans l'Est, pour l'instant, on n'a pas de grosses difficultés de circulation pour venir sur Saint-Denis. Alors, il faudra s'armer de patience, je vous le rappelle, pour cette rentrée des classes. Et la bonne nouvelle, c'est que le pont de la Délivrance est ouvert. On y circule en provenance de l'église de la Délivrance, de la Redoute, en fait, pour aller vers Saint-Denis. Donc prudence, patience, et c'est jusqu'à 14h30. Merci Jean-Claude Machir. Merci beaucoup, à tout à l'heure. L'invité de la matinale. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang. Je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Première. 7h15 sur Première, comme tous les jours, l'invité de la matinale. Ce matin, votre invité, Philippe, est Velayudom Marimoutou, le recteur de La Réunion. Bonjour Philippe. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Velayudom Marimoutou, bonjour. Bonjour. Les enfants retournent en classe aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont en sécurité, quoi qu'il arrive? C'est la grande préoccupation de cette rentrée. Alors, c'est bien sûr, c'est notre responsabilité, c'est de sanctuariser l'école sans pour autant tomber dans une atmosphère sécuritaire. Donc, vous savez que depuis Charlie, depuis novembre 2015, nous sommes en situation de vigilance renforcée. Après les attentats de Nice, donc un certain nombre de mesures supplémentaires vont être mises en place pour cette rentrée. Elles le seront, mises en place, il y a quelques jours, c'est vrai que les associations de parents d'élèves ne cachaient pas une certaine inquiétude, peur que le dispositif de sécurité ne soit pas prêt pour la Bien rentrée. Sûr, qu'est-ce que vous leur dites ce matin? Je leur dis qu'ils doivent absolument être rassurés. Nous avons, en plus de dispositifs habituels d'un référent dans les écoles de gendarmes ou de police, mis en place sur la circulaire du mois de juillet, donc du 29 juillet, un système d'alerte par SMS avec la constitution de répertoires d'inspecteurs, de chefs d'établissement et de responsables de l'académie. Des SMS envoyés par qui précisément? Par le rectorat, puisque nous avons... par les chefs d'établissement bien sûr, et aussi nous avons nommé un référent sûreté et mis en place à l'académie une cellule de gestion de crise, et ce référent sécurité de l'académie, on l'a nommé il y a une semaine, il s'agit de Christian-Jean Écolivet, qui est le chef du service de santé et sécurité au travail. Si une personne malveillante fait irruption dans un établissement, qu'est-ce qui se passe concrètement? Qui intervient? Quelles sont les consignes? A priori, il n'y a aucune raison qu'une personne malveillante intervienne, puisque le système Vigipirate renforcé doit interdire, enfin ne doit pas rendre cette situation possible. Il est hors de question que les personnels se mettent en danger si jamais cela se produit. Et nous allons mettre en place dans les mois qui viennent, pour cette année scolaire, des exercices de sécurité, notamment un exercice intrusion-attentat. Donc vous envisagez tout de même cette hypothèse? Bien sûr, forcément. Et de façon à ce que les établissements présentent une meilleure résilience à ce type d'événement. Et quel est le rôle des enseignants en cas d'attaque? Ils doivent faire quoi? Eh bien, s'occuper de la sécurité des élèves et surtout ne mettre en danger personne. Et surtout pas ni les élèves, ni eux-mêmes. C'est-à-dire? C'est-à-dire prendre, par exemple, regrouper les élèves dans des endroits confinés. Qui sont prévus déjà à l'avance? Qui sont prévus. Donc il y a un certain nombre de dispositifs qui sont prévus par justement Christian-Jean Écolivet, le chef de la sûreté. Et une formation, bien sûr, sera donnée au chef d'établissement. Il y en a une. Un exercice CAD a été organisé le 24 mars 2016. Et les exercices justement qui vont être organisés, monsieur le recteur, à quel rythme? Combien par an? Écoutez, il y en a trois de prévus. Trois par an? Trois. Dans chaque établissement? Pour chaque. Et ce sera des exercices surprises ou ils seront annoncés à l'avance? Oh non, comme ce sont des exercices, ils sont forcément annoncés à l'avance. D'accord, est-ce que ça a le même impact? C'est pas... Oui, ce qui est important... Elle n'est pas prévue à l'avance, évidemment. Mais ce qui est important, ce sont les retours d'expérience, d'accord? Savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu'il faut améliorer. Voilà ce qui est important. Et vous prévoyez donc un débrief avec les élèves aussi? Alors, avec les élèves, vous savez, il ne faut pas non plus mettre les élèves dans des situations qui leur soient difficiles, d'accord? Donc, je n'ai pas aujourd'hui le détail de ces exercices. Est-ce que ça se passera sur les heures de cours? Alors ça, je ne sais pas non plus. Probablement que oui. D'accord. Mais vous dites qu'il ne faut pas mettre les élèves en situation difficile, ce sera le cas s'il y a une attaque. Je dis, dans les exercices... D'accord, le débrief, etc. Cela va concerner les retours d'expérience avec les responsables. Ce ne sont pas les élèves qui vont participer au retour d'expérience. Vous l'avez dit hier soir dans le journal télévisé sur Réunion Première, notre île n'est pas à l'abri d'un acte terroriste ni du phénomène de radicalisation. Est-ce que des cas vous ont déjà été signalés ces derniers mois et si oui, combien? Alors, je ne peux pas vous dire combien. je peux vous dire qu'il y a des cas qui ont été signalés. Oui. Quels signes peuvent faire penser qu'un élève se radicalise ? Alors, ils sont divers, des changements d'attitude, des changements de comportement. Les parents, les amis, d'accord, peuvent se rendre compte et le signaler, d'accord. Et ensuite, nous le signalons à la préfecture qui met en place un système, un protocole qui les suit. Certains jeunes, on le sait, sont sensibles à la théorie du complot. Comment éveiller leur esprit critique ? Qu'est-ce qui est prévu en classe pour les mettre en garde ? Alors, nous avons dans le travail, notamment concernant les programmes qui intègrent le numérique, d'accord, nous avons l'éducation aux médias et à l'information. Et un prof qui décèle un cas de radicalisation, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il parle aux jeunes en question, remonte l'information à sa hiérarchie, qu'il remonte au rectorat. Alors plus classiquement, comme pour toute rentrée, le rectorat annonce les chiffres des effectifs, chiffres aussitôt critiqués par les syndicats, c'est du grand classique. La FSU estime qu'il y a 336 postes vacants. Par exemple, il manquerait 5 à 7 enseignants dans les établissements d'éducation prioritaire. Votre réponse ? Pour cette rentrée, je dirais que tout ce qui est anticipable l'a été. Au jour d'aujourd'hui, donc de ce matin, je peux dire qu'il y a 3 postes vacants, d'accord, mais qui sont compensés par des postes provisoires. 3 postes vacants ce matin. Sur les établissements d'éducation prioritaire ? Sur l'ensemble des établissements. Donc vous dites 3 et la FSU dit 336. Je laisse à la FSU la responsabilité de ce chiffre. Alors, ce matin, on fait la rentrée avec des enseignants sur poste. Le 8 septembre, il y aura une nouvelle mobilisation contre la réforme du collège. Marie-Hélène Dor l'a annoncé hier matin à ce même micro. La responsable de la FSU très inquiète pour cette rentrée dans les collèges. De toute façon, moi, je le prédis. Hein, je prédis que ça va être un chaos dans les collèges, véritablement. Sous quelle forme ? Je vois déjà que les préparations qui ont été faites dans les collèges, qui ont été imposées par l'administration, ont été assez consternantes de flou, d'imprécisions, d'interrogations en tout genre. S'y ajoute le fait que des enseignants qui ont été sollicités à un moment pour préparer ce qu'on appelle donc les EPI, ça va se heurter à quelques réalités quand même, ne serait-ce que par exemple les mutations. Ça n'a jamais été anticipé, cette affaire-là. C'est-à-dire que les collègues, ils obtiennent leur mutation. Du coup, ils sont de fait désengagés de ces projets-là. Et donc la rentrée, on va voir comment elle va s'organiser. Velaïda de Marie Moutou, est-ce que vous comprenez l'inquiétude de Marie-Hélène Dor ? Je ne sais pas si c'est vraiment une inquiétude chez Marie-Hélène, de Madame. Ce serait quoi, alors ? Madame Marie-Hélène Dor, ce que je peux vous dire... Alors ça, c'est votre portable qui sonne. C'est mon portable. Oui, la sonnerie du portable directeur en direct. Merci. Alors, excusez-moi. Est-ce que c'est pas de l'inquiétude alors chez elle ? Non, je pense que la rentrée, l'événement important de cette rentrée, effectivement, c'est la réforme du collège. La réforme du collège accompagne un ensemble de dispositifs qui ont été mis en place dans le cadre de la refondation de l'école depuis 2012. D'accord, et a pour objet d'améliorer l'ensemble des apprentissages. Alors, en ce qui concerne l'académie, nous avons l'année dernière mis en place des cycles de formation pour les enseignants, d'accord, pour préparer cette rentrée. Et la grande, les deux points importants de cette réforme, en dehors que nous avons un cycle qui mélange le premier degré et le collège, hein, c'est le cycle 3 où il y a une liaison premier degré collège, nous mettons en place ce qu'on appelle de l'accompagnement personnalisé et des enseignements pratiques interdisciplinaires. Les opposants à la réforme disent que tout ça va se faire sur les heures de cours de français ou de maths pour faire la place à tout ça. Est-ce que c'est exact ? Alors, il faut... Notre objectif, c'est renforcer les compétences et les apprentissages. D'accord, ça c'est l'objectif, mais est-ce que c'est exact que les heures des EPI, de l'accompagnement personnalisé, sera prise sur les heures de français, de maths, de départ ? Non, je pense qu'il y a une vraie confusion dans ce qu'on appelle les apprentissages disciplinaires, d'accord ? Et les EPI seront là pour donner du sens à ces enseignements disciplinaires. Donc l'interdisciplinarité va donner du sens et va aider... avec les enseignements pratiques, va donner du sens à cet apprentissage disciplinaire. Donc, je ne pense pas que cela va manger du temps entre parenthèses, quand je dis manger du temps, sur les pratiques disciplinaires, mais au contraire, cela va leur donner du sens. Donc, et puis, c'est une réforme qui se met en place. On va l'évaluer tout au long de l'année, on va l'évaluer dans le temps. Un mot aussi, rapidement, sur la généralisation du mercredi à l'école. Saint-André, Saint-Denis, Sainte-Suzanne étaient les dernières communes à avoir le samedi. Elles ont adopté, ces trois communes, cette demi-journée supplémentaire plutôt que le samedi matin. Fini donc la coupure en milieu de semaine, pourtant préconisée par beaucoup de pédiatres. Est-ce que cette réforme des rythmes scolaires a encore du sens ? Oui, la réforme... Enfin, nous avons un cadre. Je veux dire, chaque établissement, chaque commune a eu la possibilité de choisir le samedi matin ou le mercredi. Alors, il est clair que pour le premier degré, par exemple, il est important de dilater le temps pour maximiser les apprentissages, pour optimiser les apprentissages. Les communes, les parents ont fait le choix du mercredi. Bon, ok, on va faire dans un temps plus contracté ce que l'on aurait souhaité faire dans un temps plus dilaté. Mais il y a quand même 4 journées et demie de classe par semaine. Oui, mais vous savez, le rythme scolaire, ce n'est pas seulement les journées et demie, c'est comment on organise les apprentissages dans la journée, comment on organise l'après-midi, comment on organise les enseignements fondamentaux, etc. Donc, le faire la même quantité dans un temps plus dilaté me semble plus optimal. Véladium Marimoutou, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Bonne journée. Merci. Merci à vous, Philippe Dornier, l'invité de la matinale, c'est tous les jours. 7h15, 7h26, en toute la Agnan, voici Kenji Girac, Isabelle. Mais oui, avec son titre Sonrisa. Vous avez déjà reçu un tweet ou pas? Toujours never. Pas. Non, bon, ouais, never, c'est pas grave. Never, never, never. C'est pas grave, hein. J'y crois quand même. On y croit encore pour cette année. Vas-y, Kenji. Los hermanos es más alegre. Cuando los días son duros, con una sonrisa se quebran los muros. Mi cariño, acércate. Un secreto voy a contarte. Mi fuerza, mi sonrisa, el cielo me lo regaló. Me sigue noche y día, en la sombra me llega el sol. Mi fuerza, mi sonrisa, aquí te lo regalo yo. Comparte una sonrisa, amigo, al mundo le das tu sabor. Sera en concert à La Réunion le 22 octobre pour un concert au Petit Stade de l'Est. Jean-Claude Machir, vous êtes au boulevard de Saint-François. Oui, avec des travaux en cours sur ce boulevard de Saint-François, il y a un alternat qui est mis en place en direction de Saint-Denis. Alors, c'est un des travaux qui vont durer jusqu'au 11 septembre. Travaux entre la rue des Canaries, donc dans le sens ouest-est, et sur la RD43, le boulevard de Saint-François. Alors la rue Alphonse-Doutet et l'avenue Mondon, une déviation est mise en place par les Camélias. Et pour l'instant, eh bien, ça ne provoque pas de gros ralentissements, mais ce sont les travaux qui sont prévus juste à une semaine de rentrée. Alors, très certainement, dans le fil de la journée, d'ici demain, on connaîtra des soucis pour aller vers le boulevard Doré. Circulation plutôt fluide pour l'instant sur ce boulevard sud en provenance de l'est, puisque le ralentissement, les embouteillages ont diminué. Nous sommes maintenant au niveau de la Marne pour vous qui allez en direction de Saint-Denis. Ça ralentit Pont-Pasteur vers le Barachois, Pont-Pasteur, Lancastel et Léopold Rambaud. Beaucoup de monde, mais ça reste encore roulant. Et puis nous avons toujours notre ralentissement qui continue du côté du viaduc de Saint-Paul prenant direction du port et de la Possession. Une circulation qui s'est elle aussi densifiée au niveau de la ZAC Saint-Laurent si vous allez sur le port, au niveau des différents giratoires. Beaucoup de monde aussi en centre-ville du port, du côté du lycée Jean-Hinglot prenant centre-ville du port. Et dans l'est, eh bien ça reste encore assez roulant entre les giratoires de la Plaine et de Bracanote. Prudence et bonne route à vous. Merci beaucoup Jean-Claude. Il est 7h31. Le journal de la rédaction est présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Sanctuariser l'école sans tomber dans une atmosphère sécuritaire, ce sont les mots du recteur de La Réunion. Velayudom Marimoutou était notre invité ce matin. Face à la menace d'attentat, la sécurité est renforcée dans les établissements scolaires. Voilà pour l'ambiance de cette rentrée. Hier, les professeurs de la toute nouvelle école, Jean Jaurès à Saint-Pierre, ont découvert l'établissement. Nous y étions. Et puis équiper un élève en filière professionnelle, ça coûte cher, nous l'entendrons. La sécurité aussi à l'hôpital. Les services d'urgence sont trop souvent le théâtre d'agressions, personnes alcoolisées, exaspération face au temps d'attente avant les soins. Les personnels pourront faire appel aux forces de l'ordre si besoin. Et puis nous irons à Rio à la fin de ce journal partager la joie des filles de l'équipe de France de handball qualifiées pour les demi-finales du tournoi olympique. Un match fou, vous l'entendrez. 7h30, c'est parti pour les collégiens et les lycéens attendus aujourd'hui dans leurs établissements pour la rentrée. Entrée ou retour en classe également dans le primaire ce matin avec quelques nouveautés. La menace terroriste force les autorités à renforcer la sécurité aux abords des établissements. À Saint-Paul, par exemple, la mairie met en place des médiateurs de sûreté urbaine, des MSU, explication Hubert Debeu. Il va falloir se familiariser avec les MSU, les médiateurs de sûreté urbaine. Vigipirate oblige, la mairie de Saint-Paul prend les devants. Elle vient d'embaucher 15 agents en emploi civique. Ils ont entre 18 et 25 ans. Willy Kyle est le directeur de la sécurité à la mairie. En priorité, ils vont faire de la médiation en termes de circulation, c'est-à-dire donc réguler la circulation sur zone, pourront intervenir pour protéger les enfants sur les traversées de route, faire de la surveillance générale dans le cadre de Vigipirate renforcée. Les 69 écoles de la commune n'auront pas toutes des MSU. Seules celles qui posent problème seront sous surveillance. Alors, nous avons en réalité 11 écoles qui, de façon quotidienne, nous posent des difficultés. Ces 11 écoles ont été repérées et doivent faire l'objet de façon quotidienne d'une présence. C'est l'État qui a mis en place les emplois civiques. Ça permet aux jeunes de mettre un pied dans la vie active. Jean-Marc Aure est élu délégué à la mairie. Nous avons utilisé ces emplois civiques pour sécuriser les abords des écoles. Ces 15 jeunes seront recrutés d'après des critères bien précis. Des jeunes qui ont la formation de sécurité, qui ont aussi bien la théorie qu'un peu la pratique de la sécurité. Ce seront des médiateurs. Donc le sens de la parole, le sens de la discussion, l'approche avec les personnes. Troisièmement, c'est les personnes proches du lieu de travail. Les emplois civiques travaillent 24 heures par semaine. Ils perçoivent un salaire de 580 euros par mois. Hubert Debeu, eux ont fait leur pré-rentrée hier. Les enseignants sont 16 000 à La Réunion. Suzette Emma a suivi ceux qui travaillent dans la nouvelle école Jean Jaurès de Ravine-Blanche à Saint-Pierre. Ils accueilleront environ 300 élèves. Parmi les 18 enseignants, Thierry Cordenos, il enseigne au CE2. Et pour ce professeur des écoles, cette rentrée-là n'est pas comme les autres. Habituellement, on rentre dans nos locaux, on a déjà préparé, on sait où on a. Là, on doit tout réorganiser, c'est pas une rentrée normale, non. C'est sûr, c'est une belle école. Maintenant, il faut la rendre fonctionnelle aussi, parce que c'est pas parce qu'elle est belle qu'elle est tout de suite fonctionnelle. Il faut chaque salle doit ressembler au maître qui l'habite. Vous aurez combien d'élèves, vous ? 25. Donc on est très proche déjà de la limite, enfin celle qui est soi-disant la limite dans une REP plus, c'est-à-dire 26. On n'a pas beaucoup de marge, nous. Après, il y a des classes qui sont moins chargées et d'autres qui sont plus chargées, donc on doit concilier tout ça. Thierry Cordenos, enseignant, répondait à Suzette Emma. Quelques couacs, certains établissements sont en cours de rénovation. Ils ne pourront pas accueillir les élèves ce mercredi. Les travaux ne sont pas terminés. La nouvelle est tombée hier pour l'école maternelle et primaire de la Cressonnière à Saint-André. L'accueil des enfants se fera dès lundi prochain. La course aux effets scolaires n'est pas terminée. Certains élèves n'auront leur liste qu'aujourd'hui avec leurs professeurs. On s'intéresse ce matin aux élèves des filières professionnelles qui font eux aussi leur rentrée aujourd'hui. Et pour eux, la trousse, les stylos et les cahiers ne sont parfois pas suffisants. Les établissements exigent des élèves qu'ils arrivent en classe avec du matériel bien spécifique pour travailler. Depuis quelques jours, c'est la cohue dans les magasins spécialisés. Ingrid Boudageau est directrice d'un magasin spécialisé en vêtements de sécurité. Là, sur deux mois, que ce soit étudiants, stagiaires, dans le BTP, dans la cuisine, qui arrivent pendant l'année, qui commencent des stages, on a énormément de demandes, il y a de l'afflux. On a énormément de demandes en professionnels, en bleu de travail, en chaussures de sécurité et en tunique infirmier. Alors actuellement, c'est les blouses physique-chimie. Quand je vois les listes scolaires, je trouve que c'est beaucoup. Maintenant, s'ils utilisent au long de l'année, ça vaut le coup. Mais quand on demande deux pantalons, après il faut un renouvellement. Mais quand je regarde l'ensemble de la liste, je trouve que le coût est quand même énorme pour un parent s'ils n'ont pas les moyens. Ingrid Boudageau est directrice d'un magasin spécialisé en vêtements de sécurité. Elle répondait à Amy Faconnier. Bonne rentrée et bon courage à tous. 7h36 sur la première, la suite du journal Cécile Thomas. Augustin Valencourt a été libéré et placé sous contrôle judiciaire. Hier, le présumé gourou de la secte Marie Porte du Ciel avait récolté plus de 3 millions d'euros grâce à son groupe de prière. Il était mis en examen pour abus de confiance, suggestion psychologique et blanchiment d'argent. La secte était installée au 17e kilomètre au tampon. Le gourou est en liberté. En attendant son procès. Trop de violence aux urgences. La sécurité va être renforcée au GHER, le groupe hospitalier Est Réunion. Une convention a été signée hier. Le texte est une déclinaison du protocole d'accord santé-intérieur-justice qui concerne les établissements publics et privés. Les médecins peuvent appeler le 17 pour demander du renfort de forces de l'ordre. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 100 agressions, dont 45 physiques nécessitant l'intervention des gendarmes. La durée d'attente avant la prise en charge des patients tend le climat aux urgences. Le docteur Yves-Jacques-Antoine, urgentiste et représentant des médecins. Garder notre calme, rechercher le dialogue envers et contre tout, expliquer. On est dans l'explication, toujours dans l'explication. Mais envers et contre tout, quelquefois ça ne suffit pas. Et dans ce cas-là, on fait appel aux forces de sécurité qui sont d'abord à proximité, qui sont les vigiles, et un peu plus tard, effectivement, aux forces de l'ordre. Ah, ça vous rassure, ça nous rassure. Absolument, absolument. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en même temps, aujourd'hui, on est dans un plan Vigipirate. Donc ce plan Vigipirate existe au sein de l'hôpital du GHUR. Donc on a en même temps aujourd'hui, heureusement, un vigile posté à l'intérieur des urgences. Et ça nous rassure également beaucoup, quoi. Le docteur Yves-Jacques-Antoine, urgentiste, représentant des médecins, interrogé par Jean-Paul Mélade. On le sait, l'ensemble des prisons françaises est montré du doigt. La surpopulation dans les cellules pose problème. En France, on compte 188 prisons pour une capacité d'accueil de 58 311 places. Mais au mois de juillet, un record a été battu, un triste record. Les prisons comptaient 69 375 détenus. En visite la semaine dernière à la maison d'arrêt de Nîmes, Manuel Valls, le Premier ministre, a annoncé un plan de rénovation et d'extension des prisons françaises. À Mayotte, le point sur le centre de détention de Magique à Vaux, ici comme ailleurs, des détenus dorment sur des matelas à même le sol. Jamila Swadiki. Le centre de détention de Magique à Vaux, partiellement épargné par cette surcharge de prisonniers, en croire Hassani Salimou, représentant syndical Force ouvrière au centre pénitentiaire de Magique à Vaux. Notre cas n'est pas non plus enviable parce que la situation, elle va s'empirer bientôt. Notre capacité, il faut savoir qu'elle est à 278 et à l'heure actuelle, on est à 275. Mais à l'instar des autres prisons de France, la maison d'arrêt de Magique à Vaux connaît un engorgement avec une vingtaine de matelas au sol. Difficile à comprendre dans un établissement qui a subi récemment une rénovation et des travaux d'extension. Aujourd'hui, c'est la maison d'arrêt qui est saturée. Le fait qu'ils n'ont pas construit assez de places pour accueillir tous les prévenus, on se retrouve dans cette situation. On a le côté centre de détention qui, aujourd'hui, est sous-utilisé. Du coup, ces derniers jours, en fait, on a eu l'autorisation de la DAP pour utiliser un étage du CD pour essayer de désengorger un petit peu la maison d'arrêt. On est toujours avec pas mal de matelas au sol. Une situation qui inquiète le syndicat Force ouvrière qui pense que d'ici à la fin de l'année, la capacité d'accueil de Magique à Vaux sera dépassée. Un reportage de nos confrères de Mayotte Première. Les sports direction Rio, c'est l'un des plus beaux matchs de l'histoire du handball féminin français qui s'est joué hier, un quart de finale de folie mené de 7 buts à la mi-temps face aux Espagnols. Les Bleus ont égalisé dans les toutes dernières secondes. Prolongation et la victoire d'un petit but pour les Françaises, 27 à 26. Un match incroyable à Rio, le reportage de l'un de nos envoyés spéciaux, Martin Baumer. C'est indescriptible, on revient tellement de loin, mais tellement. Elles reviennent de loin, de très loin, les Françaises totalement dominées en première mi-temps, menées de 7 buts à la pause, avec une explication donnée par la Guadeloupéenne, Laurissa Landre. Je pense qu'on est rentré en fait sur le terrain avec un énorme stress. Voilà, c'était pas nous, c'était pas l'équipe de France qu'on a vue depuis le début. Je suis fier de cette équipe et je suis fier de faire partie de cette équipe. Fier d'une équipe qui a su se ressaisir et l'emporter après une incroyable remontée et un succès acté en prolongation dans une ambiance bouillante. La Guyanaise Béatrice Edwige. Et en fait, je suis tellement émue parce que c'était tellement dur. On a été la chercher, mais à bout de souffle, quoi. On était mené plus 7, on s'est dit, on va pas douter. De toute façon, ça sert à quoi de douter à ce moment-là? On est mené plus 7, elle fanfaronne. Non, on doute pas, on est sûr. On remet en place le plan de jeu. Et ça passe. Et tout s'est joué au mental, assure l'autre Guadeloupéenne de l'équipe, Alison Pino. On n'a pas tremblé, on y a cru jusqu'au bout. Il y avait du cœur, il y avait le public qui poussait. C'est sûr que le final est beau quand ça se termine de cette manière. Mais l'aventure n'est pas terminée. Les Françaises rencontreront à nouveau les Pays-Bas en demi-finale. Rendez-vous en demi, c'est bizarre de dire ça. Ça fait bizarre. Mais c'est bien quand même. Et les garçons avec Daniel Narcisse joueront leur quart de finale face au Brésil ce mercredi. Quart de finale du tournoi olympique. Cindy Billot à suivre aussi aujourd'hui. La Réunionnaise est qualifiée pour les demi-finales du 100 mètres haies. Eh bien, on vous dira le résultat demain, ou cet après-midi, ou ce soir. Ça dépend du décalage horaire. Bah, vous le faites quand vous voulez. Dès qu'on l'a. Soyons fous. Pour le handball, en tout cas, ça commence à 19h, heure de la Réunion. Voilà. Merci Cécile. Merci. Merci. Enfin, point météo. Il est 7h41. Oui. Minutes. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Et Mickaël, si pour ce jour de rentrée, nous inventions une nouvelle couleur, tiens, bleu dominant. Soyons fous. Ça, c'est pas mal, soyons ça, bleu fous. Dominant. Bleu dominant dans le ciel de l'île, même si on a quelques touches de gris dans l'Est, comme on le gris voit. Gris persistant. Oui, oui, ça, c'est vrai qu'on peut le dire aussi dans l'Est, entre Sainte-Suzanne et Saint-Philippe, sur les plaines de l'Est, et aussi hein, sur le volcan. Alors, de l'autre côté, c'est bien plus dégagé. L'après-midi, de la position à trois bassins, on doit avoir plus de nuages. Globalement, dans les hauts, hein, on aura plus de grisailles cet après-midi. Le littoral conservera de belles éclaircies. L'Est devrait retrouver, là aussi, quelques belles trouées de ciel bleu, hein, notamment sur Sainte-Suzanne ou encore la région de Saint-Benoît. Le thermomètre va pouvoir remonter, aller jusqu'à 27 degrés sur les plages. Il fera un peu plus frais dans l'intérieur, 13 au volcan, mais 22 degrés tout de même au tampon. Tout cela avec du vent, hein, toujours du vent sur le nord et le sud. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Et enfin, un nouveau point circulation. Jean-Claude, il faut faire attention sur le réseau routier. Il y a un véhicule qui est en panne au niveau de l'hôpital des enfants sur le boulevard sud en direction de la Possession. Oui, juste sur la voie de gauche, donc ce qui n'arrange pas vos affaires. En tout cas, la circulation reste très dense sur ce boulevard sud et en provenance de Sainte-Marie. Ça s'est amélioré puisque nous ne sommes qu'à la hauteur du radar du Chaudron pour aller en direction du Saint-Denis. Par contre, vous êtes toujours aussi nombreux en provenant de l'ouest. Sur la route des Tamarins, ça reste toujours à la hauteur du viaduc de Saint-Paul. Les rampes de plateau caillou, elles aussi, se remplissent. L'entrée ouest, sur la route du littoral, nous sommes pour l'instant à la hauteur des Potences en direction de Saint-Denis. Le pont Vinsane, lui, est rempli de moitié, toujours en direction de Belletière. Et dans l'est, entre les giratoires de la Plaine et de Bracanote, la circulation reste dense mais roulante. Dans le sud, pour l'instant, ça circule plutôt bien, va-t-on dire, sur le boulevard Hubert de l'île en direction de Terre Sainte. Mais vous êtes ralenti quand vous empruntez le bassin 18 pour aller en direction de la Balance, en direction du giratoire des Casernes. Là aussi, la circulation reste très très dense. Et sur Saint-Denis, dans la rue Jean-Châtel, nous avons nos premiers ralentissements pour aller vers le barrage. Soit. Prudence et bonne route à vous. Merci Jean-Claude. Allez, en cœur. Bon, ben, en cœur aussi, le dernier quart d'heure. Ah bah oui, hein. Eh oui, avant 8h, il y a pas mal de choses qui vont se passer. Exact. Le zapping de Jackie Revel. Mm-hmm. Pour tout connaître du meilleur, du pire, de la radio, mais certainement de toute façon le plus drôle. Continuez à envoyer vos photos de petit déjeuner, c'est important. Eh oui, puisqu'on aura avant 8h le nom du gagnant ou de la gagnante. Cette personne qui repartira avec deux invitations pour aller au cinéma, mais aussi qui va participer au grand tirage au sort de cette fin de semaine. D'ailleurs, tous ceux qui auront envoyé des photos pour le petit-déj,

Et voilà, je vais vraiment pas me plaindre de cette saison-là. Notons la quatrième place de l'autre Français de cette finale, Pascal Martineau-Lagarde. Pas de médaille en métal, mais on pourrait leur attribuer la médaille du courage aux Polynésiens Billy Besson et Marie Rioux pour l'épreuve de voile de ces Jeux Olympiques de Rio. L'équipage français, engagé en Accra 17, a terminé cinquième de la finale avec 93 points, ce qui place Besson et Rioux sur la sixième marche du classement général. Pas de distinction officielle donc, mais une prouesse tout de même, car le Polynésien s'est trouvé fortement amoindri par une hernie discale. Il nous dit comment il a pu passer plus de 3 heures par jour sur son catamaran. La position sur le bateau était mieux pour moi que la position à terre, même actuelle. Donc sur le bateau, j'étais beaucoup mieux, en tout cas, physiquement et même mentalement. Parce qu'au-delà de ça, la semaine était aussi dure à terre, c'est-à-dire à rester une semaine au lit, à manger au lit, à faire tout à plat. C'est assez dur. Mais c'est pour ça que c'était plus une délivrance d'aller sur l'eau pour moi. C'était même mieux. Et donc, je suis vraiment content d'y être allé, en tout cas. Et toujours en voile, Noé Delpech s'est qualifié pour la course aux médailles qui aura lieu ce jeudi. Avec son coéquipier Julien Dortoli, le Réunionnais se classe sixième au général, malgré 3 dernières régates moyennes ce mardi, finissant 17e, 9e et 14e. Et puis c'est tout chaud, les basketteuses françaises sont en demi-finale du tournoi olympique. Les Martiniquaises Sandrine Gruda et Marielle Amand, ainsi que leurs coéquipières, viennent de battre le Canada 68 à 63. Satisfaction de Sandrine Gruda, 14 points et 10 rebonds dans ce match. Ainsi s'achève cette édition. N'oubliez pas que l'info se poursuit sur lapremiere.fr. Bonne journée à toutes et à tous. Et on retourne à Rio, forcément sur toutes les chaînes de France Télévisions dès cette fin d'après-midi. Et puis bien sûr dès 21h30 sur Réunion Première jusqu'à 7h le lendemain matin pour suivre l'exploit des handballeurs peut-être ou celui de Cindy Bio. Bah oui, il faut, c'est important de suivre un petit peu les performances des sportifs. Et des réunionnais. Un peu comment ça se passe au On verra ça sur Réunion Première forcément en télévision, mais il se passe plein de choses en radio. Des choses prévues, des choses pas prévues, et puis quelqu'un pour récupérer, collectionner tout ça. Ou les trafiquer aussi. Enfin. Le zapping avec Jackie Rebelle. Dans les années 77, 78, mais ça va à l'école à pied dans le temps là. Quand tu vois un loto rouge, tu t'es cassé dans le zèbre dans le temps longtemps. À chaque fois, nous t'entends un ronflement et loto, ben, t'es roulé pour loto rouge. Les grands-parents, t'es fait peur, nous bon peu. 5 heures, il commence à noir, rentre à zot, avant sur loto rouge, il trappe à zot. Un communiqué de EDF Réunion qui informe tous ses clients habitant dans les communes il s'agit des communes je ne trouve pas bonsoir, bienvenue. N'écoutez pas de communes sur ce message. Voilà, ainsi se terminent les communiqués sur la première. Il n'y a aucun wall de rouge. Chiant, sans parce que je ne sais jamais là où. Quand il est dans le canicou. C'est une invention des parents pour faire entendre le carbonaire. On voit l'autoroute du chantier de monde. Quelle ça. Ça va pas ici à la porte des masses partout. Attention. Allô. Je m'appelle Nekaf. Ou habite la peine Nekaf. Vous appelez à nous pour faire un coucou, non? Pour Amikas. Pour un quoi, Amikas? Le tonton de Sarah, Vanessa. D'accord. Tout va bien. Ok, tout va bien. Ouais. Ça n'a pas l'air, hein, quand même. Mais si, tout va bien. Sincèrement. Mais si, tout va bien. Bon, mais comme tous les matins, on a ce fameux défi. Ce fameux défi où vous pouvez envoyer vos photos de petit déjeuner sur la page Facebook Grand Matin. Exactement. Et vous nous envoyez toutes les photos. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir un petit déjeuner, un gros petit déjeuner, un petit déjeuner tout simple, un café, ce que vous voulez. Voilà. Eh bien, vous postez votre photo sur la page Facebook et à la clé des invitations pour aller au cinéma et la participation de tous ceux qui ont envoyé leur photo pour le grand tirage au sort de vendredi. À la clé, peut-être pour vous, une invitation pour deux dans un hôtel de charme. Alors déjà, ce qui est bien, c'est que tous ceux qui ont participé ce matin sont ça, automatiquement cool. qualifiés pour le tirage au sort. Mmh. Et Sabrina, qui est avec nous, va gagner un cadeau supplémentaire. Oh, bonjour Sabrina. Coucou Sabrina. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Bon, on entend les marmailles derrière. Oui, voilà, c'est ça. Ils sont contents. Ils vont pas à l'école, là, donc, les marmailles, ce matin? Non, ils rentrent demain. Ah, demain pour la rentrée. Alors, il y a combien de marmailles, là, du coup? J'ai trois enfants. Trois enfants. Et ils ont quel âge? Alors, elles, ce sont des jumelles, donc elles ont 7 ans. Et un petit garçon de 5 ans. Donc, un petit garçon de 5 ans, pardon. C'est bientôt 5 ans. 4 ans, c'est moyenne section. Voilà. Et alors, ça passe en grande section, voilà. Et ça passe au CE2. Et au CE2, ouais, attention. Hein, et chez vous, Sabrina, on fait le petit déjeuner bien comme il faut, dans un joli assiette. Il y a du café, il y a du jus, il y a des petites choses à manger. Et il y a un joli petit papier, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial pour quelqu'un de la famille, me semble-t-il. Voilà, c'est ça. C'était le petit déjeuner spécial de papa. Oh, c'est son anniversaire à papa aujourd'hui. Oh, comment il s'appelle le papa? Frédéric. Eh bien, joyeux anniversaire, Frédéric. Eh ben voilà, Sabrina, vous merci irez avec lui. Frédéric au cinéma puisque vous repartez avec deux invitations pour aller voir ce film qui sort aujourd'hui, Le Professeur de violon, deux places in the pocket et peut-être pour vous, tirage au sort en fin de semaine, une nuit pour deux à l'hôtel. On ne sait jamais, restez bien à l'écoute. Ah ah. Parce qu'on ne sait jamais. Bisous la famille. Merci Sabrina. Merci, grand-mère. Bisous, bisous. Bye bye. Bonne journée. Bye bye. Bonne journée, bonne rentrée. Merci. Ça, c'était Jackie qui toussait. Jackie arrive dans 4 minutes. Il sera là. Si tu es dans la colle, Jacques, ou quoi? Bah oui, c'est le recteur. Il salut, va finir Jackie. Dans le zapping, sûrement. C'est la bonne croix qu'on va faire, là. C'est la rentrée. Eh ben... Bon, dans la colle, Jacques, il y a de la confiture. Ça va peut-être... Avec oui, Jean-Baptiste Payet, il est là, un bon petit déjeuner le matin pour être en forme. Mmh. Et puis on fera un curry de poule noire avec une poule retrouvée devant le portail. L'astuce du jour, comment déplumer un poulet facilement. Voilà, et puis on aura également l'histoire de la dame blanche, parce pas le gâteau. Parce qu'on déplume un poulet facilement. Ouais, facilement, c'est compliqué quand même. Bah oui, bien sûr. Déplumer un poulet facilement. Oui, voilà, c'est un moyen. Suffit pas de mettre dans l'eau chaude alors. Il doit y avoir un truc. Oui, un truc du sel, pourquoi du pas. Du sel. On saura ça tout à l'heure. Hein. C'est dans la colle Jacques, 8h-10h avec Radio Ménage. Suivez ça aussi, c'est marrant tous les matins avec Jackie Revel. Beyoncé, Shakira. Shakira, Beautiful Liar sur Première dans Grand Matin. Non, c'est pas vous, Beyoncé. Ben, pourquoi pas. Ou c'est Omer Waro. On vous a donné un nouveau surnom sur Facebook. Chappé. Des mailles m'ont loué, comme dirait mon mémé. Allons faire un tour à l'entrée ouest de Saint-Denis. Jean-Claude Machir avec nous pour un point. Oui, à l'entrée ouest de Saint-Denis. Alors, contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre, ce n'est pas le gros rush pour l'instant sur cette entrée ouest. Habituellement, à cette heure-ci, eh bien, nous sommes bien avant les potences. Mais pour l'instant, la circulation, même si elle est à la hauteur des potences, ça reste encore assez fluide lorsque vous êtes au niveau du giratoire de la caserne en direction du Varachois. La bonne nouvelle, eh bien, c'est qu'en provenance de l'est, nous sommes uniquement à la hauteur du radar du Chaudron en direction de Saint-Denis. Le boulevard sud, quant à lui, dans les deux sens de circulation, comme on a son habitude, reste très dense dans les deux sens. Il y a un véhicule en panne du côté du boulevard sud. Mais ce véhicule est en panne sur la voie de gauche et là, ça provoque déjà un gros ralentissement. Et à Saint-Pierre, eh bien, Guillaume me confirme que vient de me dire le contraire de ce que je vous disais tout à l'heure. Apparemment, la rue Auguste Babet sera encore en travaux. Elle est interdite encore à la circulation. Les travaux d'enrobé, par contre, eux, sont bien terminés. Mais la rue est encore en travaux et cela provoque quelques ralentissements dans les deux sens. Alors, patience et prudence sur l'ensemble de notre réseau 10. Ce n'est pas vraiment le grand rush aujourd'hui. On en reparlera très certainement plus tard. Jean-Claude Machir pour Réunion Première.